croire que l'on va conquérir l'espace, comme on a conquis l'Amérique, pour avoir un peu plus de place sur notre terre, tous ces tricks, tous ces tricks, sans craindre cette nouvelle race, grâce à nos fusils atomiques. Les petits martiens fondront comme glace sous le grand soleil de l'Afrique. Si la conquête de l'espace se résume à ce scénario abscon, ce n'est plus de l'espace une conquête, mais bel et bien une quête con. Merci. Quelques applaudissements pour Xavier, s'il vous plaît. Une quête con, je ne sais pas, mais on va voir, on va voir. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est depuis 10 ans, un grand bouleversement dans ce secteur spatial. On a l'impression que ce secteur spatial a envie de se réinventer en permanence. On assiste à la naissance de nouveaux lanceurs, nouveaux vaisseaux spatiaux. On a de nouveaux acteurs industriels qui sont arrivés, de nouvelles grandes puissances aussi. Et tout à nouveau paraît possible. Une station orbitale lunaire, envoyer des hommes et des femmes sur Mars, des constellations de 10 000 satellites, exploiter des mines sur des astéroïdes. Il y a des entreprises aujourd'hui qui prétendent pouvoir le faire et gagner de l'argent avec, coloniser le système solaire. Voilà le genre de choses dont on entend parler. Et on sent donc comme une nouvelle envie d'espace. Et l'espace est comme à nouveau enchanté. Mais qu'est-ce qu'on veut y faire vraiment ? Est-ce que ce qui est possible d'y faire, c'est aussi ce qui est souhaitable ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de nouvelles règles ? Bref, effectivement, on va se demander. Conquérir l'espace, d'accord, oui, mais jusqu'où ? Et on va en discuter avec vous. Vous allez pouvoir prendre la parole tout à l'heure. Et puis aussi, poser toutes vos questions à nos deux intervenantes. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Isabelle Sourbès-Verger et Muriel Lafaille. Isabelle Sourbès-Verger, Muriel Lafaille, est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes ? Muriel Lafaille d'abord. Bien, bonsoir. Donc, je travaille au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, à la direction de l'innovation, des applications et de la science, où je suis en charge de prospective et d'impact économique. Impact économique, d'accord. Et puis alors, vous êtes la patronne de cette initiative qui s'appelle Spacible, de ce forum ? Alors la patronne, c'est beaucoup dire, j'en suis la créatrice. L'initiatrice, voilà. J'en suis l'initiatrice, en effet, et puis j'ai le plaisir d'en être surtout l'animatrice. Voilà, alors, une sorte de forum dont on va discuter tout à l'heure, qui a été créé à l'initiative du CNES, donc... On y discute de prospectives avec une foule d'acteurs différents pour essayer d'enrichir les points de vue. Et puis à votre côté, Isabelle Sourbès-Verger. Oui, bonjour. Alors moi, je suis géographe, je suis chercheure au CNRS et je travaille sur l'occupation de l'espace depuis Spoutnik, depuis 1957, donc depuis 61 ans. Et je m'intéresse aux politiques spatiales et ce que révèlent les modalités de cette occupation de l'espace. C'est-à-dire, en gros, je compte chaque satellite quand il est lancé, et puis en fonction de sa nationalité, en fonction de son altitude, en fonction de sa masse, j'essaie de comprendre un petit peu à quoi ça correspond dans les choix, justement, en matière de politique et d'occupation. Et donc, du coup, j'ai le plaisir de varier les pays et de les voir un petit peu grossir, même si moi, j'ai une version un peu restrictive de ce qu'est la puissance spatiale, puisque dans ma définition, il faut que ça soit un pays qui fabrique et lance un satellite par lui-même, depuis son propre sol, ce qui ne fait au total quand même, depuis 57, que 11 pays. 11 pays sont vraiment des véritables puissances spatiales, selon votre définition. Et puis moi, je vais me présenter aussi. Je m'appelle Paul Debrême, je suis animateur d'événements techniques et scientifiques et je suis absolument ravi d'être avec vous ce soir une nouvelle fois. On va parler d'avenir, évidemment, ce soir, vous l'avez compris. Mais avant de se projeter dans vraiment ce qui s'appelle la prospective, je voudrais juste qu'on se projette dans un mois. Et dans un mois, de quoi va-t-on parler ? Alors, on sera le mardi 15 janvier, on va parler de CFOSAT vers une meilleure météo marine, donc on va vraiment s'intéresser à cette question de la météo marine avec ce satellite CFOSAT. Mais alors attention, ce ne sera pas ici, Ce ne sera plus ici. Les mardis du CNES, les mardis d'espace vont quitter ce lieu parce qu'il va fermer, figurez-vous, d'ici quelques mois. Et on se retrouvera donc au café Le Lutès. C'est pas très loin. C'est au 8 boulevard Saint-Michel, donc dans le 6e. C'est au métro Saint-Michel. Donc c'est pas très loin, hein, c'est à 10 minutes à pied d'ici. Et ça fait une jolie petite balade. Voilà, donc ça c'est le mois prochain. Alors, on va essayer de te projeter un peu plus loin, ou en tout cas essayer d'analyser les grandes forces là, qui sont à l'œuvre actuellement. Isabelle Sourbès-Verger, Muriel Lafay, est-ce que vous avez l'impression effectivement d'une sorte d'accélération dans ce domaine spatial? Et comment est-ce que vous qualifieriez cette accélération? On a l'impression quand même que pendant quelques décennies, on a vécu de façon assez calme. Et puis d'un seul coup, voilà, il y a plein de projets, il y a une effervescence là quand même. Alors effectivement, on voit depuis une dizaine d'années arriver de ce qu'on appelle de nouveaux acteurs, en tout cas un phénomène qui a été baptisé « New Space », qui d'ailleurs est un phénomène qui veut clairement se différencier des acteurs historiques, dira-t-on. Et ben, ces acteurs ont une particularité, c'est qu'ils vont chercher leur argent plus seulement auprès des institutionnels, ils vont aussi solliciter des capitaux privés. Donc tout ce qui est fonds de capital risque. Et là, on est sur ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de façon de faire. Auparavant, on était sur quelque chose de très institutionnel, très souverainiste. Là, on passe vers quelque chose qui est beaucoup plus indépendant, qui s'ouvre beaucoup plus au commercial. Et on arrive effectivement à voir des choses assez surprenantes qui profitent de la convergence de plusieurs phénomènes. La miniaturisation de l'électronique, le développement de tout ce qui est digital, numérique, big data, et puis il y a aussi l'usage de l'espace, la démocratisation des usages de l'espace, tout secteur économique confondu, depuis les transports, la santé, l'environnement, tous les domaines y passent. Et donc on voit se développer effectivement non seulement de nouveaux acteurs pour les lancements. Alors, on va parler, bien sûr, j'imagine, de SpaceX avec Elon Musk, mais on pourrait parler aussi de Blue Origin ou de Sierra Nevada, on pourrait parler aussi des 10 sociétés de lancement en Chine, on pourrait parler des micro-lanceurs qui sont en train de se développer aussi dans d'autres pays. Donc vous parliez d'effervescence, en effet, mais aussi dans le domaine des satellites. On voit les satellites subir une cure d'amaigrissement. On voit les plateformes devenir plus légères, embarquer des charges utiles miniaturisées. Alors la performance n'est pas tout à fait la même par rapport à des gros, mais arrive le phénomène des constellations, où la Noria essaie de récupérer la performance un petit peu diminuée par cette cure d'amaigrissement. Alors on n'y arrive pas toujours, mais ça permet de nouvelles choses. Ça permet de faire du quasi-temps réel. Des sociétés comme OneWeb envisagent maintenant de lancer plusieurs centaines, voire milliers de satellites pour faire réduire la fracture numérique partout dans le monde. Ce sera de l'Internet par satellite. Hein. Ce sera de l'Internet par satellite. 650 satellites qui gravitent en orbite basse. Voilà, avec des concurrents comme toujours Elon et Boeing qui veulent effectivement... Alors ils sont à combien, Isabelle, maintenant? 7 000, 10 000 oui. Presque 10 000. Presque 10 000 objets. Moi, j'ai vu 12 000 satellites. Là, pour la constellation de Elon Musk, c'était 12 000 satellites. Donc je veux dire, on est dans l'inflation, on est dans le superlatif. Tout ça, effectivement, pour apporter le service qui est attendu, notamment par les internautes, c'est-à-dire avoir une connexion tout le temps. Aucun temps de latence. Pour les gamers, je pense que c'est une performance qui est attendue et qui est importante. Voilà. Donc l'Internet par satellite... Parce que mon satellite est à quelques centaines de kilomètres et que... Voilà, vous n'avez plus ce problème de temps de latence dû à l'orbite géostationnaire, aux 36 000 kilomètres, où vous avez quelques millisecondes de retard dans la propagation de votre signal. Donc là, c'est complètement transparent pour vous et vous avez un signal de très bonne qualité partout. Alors ça coûte cher quand même, hein, une infrastructure comme celle-là. Si on a 12 000 satellites, je crois que Elon Musk lui-même citait le chiffre, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais de 10 milliards de dollars. Donc il faut quand même les réunir, c'est des investissements gigantesques. Même Airbus Defence and Space pour sa constellation OneWeb, je ne suis pas sûr qu'ils aient les financements encore aujourd'hui. C'est un peu ça qui pêche aujourd'hui. Et on a un acteur comme je crois Eutelsat qui disait qu'il n'y croyait pas. Alors en même temps, eux, ils sont très spécialisés dans la télécommunication en géostationnaire, donc des satellites beaucoup plus lointains. Donc on voit une sorte de concurrence, donc c'est une guerre de communication un petit peu. Par exemple, si on prend ce domaine des constellations, et des grandes constellations pour faire de l'Internet, des télécoms. L'idée des constellations pour les satellites de télécoms, c'est ancien. Hein. On a eu des périodes où on a aussi imaginé, avec SkyBridge, avec des grands programmes comme ça, comme Iridium, qui ont existé dans les années 90, ouais. et où on La physique est toujours la même, hein, et donc on avait toujours le même intérêt pour faire ça. C'est vrai que l'électronique et l'informatique ont beaucoup évolué et que maintenant on sait beaucoup mieux gérer des constellations en grand nombre. Après, la grande question quand même, c'est quelque part, surtout pour des acteurs privés qui récupèrent des fonds en bourse, c'est quand est-ce que ça rapporte ? Et combien ça rapporte. Et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué parce que certes, des gamers qui sont contents de donc pouvoir les gamers, jouer, c'est les joueurs. Des joueurs qui sont contents. Des joueurs invétérés sur qui utilisent Internet pour jouer aux jeux vidéo. Hein. Mais si vous voulez, ça peut pas faire un marché absolument garanti et surtout sur la Terre entière. Donc, est-ce que ces constellations, elles vont vraiment servir à démocratiser l'Internet et est-ce que les pays qui sont susceptibles d'en être les bénéficiaires, c'est-à-dire essentiellement des pays en voie de développement, l'Afrique, que l'Asie vont avoir les moyens d'utiliser ces constellations, c'est pas absolument évident. Et est-ce qu'au final, le business model, ça va être tout compte fait de desservir les avions de ligne et les gens qui sont dans les avions de ligne, parce que là, pour le coup, on pourrait avoir du super Internet, et vous n'êtes plus du tout dans l'idée que la globalisation devient la justification finale de ces constellations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ces constellations peuvent exister, d'une part parce qu'il y a de l'argent dans les banques qui sont prêts à s'investir en capital risque, ensuite parce qu'il y a des acteurs qui ont, je dirais, le dynamisme et la volonté d'essayer de relancer ces projets parce que la technique peut suivre. Au final, quand même, on ne sait pas trop comment ça va se terminer ni combien ça va rapporter. Et en tout cas, moi, j'avais compté récemment le nombre de constellations qui sont imaginées par les uns et les autres. Hein. Alors, les Chinois, les Indiens, même les Russes. Les Russes, ils ont un programme Sphera. Et comme ils n'arrivent pas à lancer assez de satellites qui sont prévus dans Sphera, ils raccrochent des constellations existantes déjà dans GLONASS, qu'ils appellent quasiment Sphera. Enfin, donc, c'est vraiment un grand mouvement aussi de médiatisation et de montrer qu'on est dans ce « new space ». Au final, ça va quand même beaucoup se décanter. Hein. Ça, je peux pas dire du tout comment ça va finir, mais je peux dire qu'il y aura moins de monde à l'arrivée. D'accord. Alors, donc floraison de projets, on voit une sorte d'envie d'espace. Ça veut dire que on a besoin de prospective, Muriel Lafaye ? Eh bien, on a besoin d'y voir clair. Ah oui, très clairement. On a besoin d'y voir clair. Parce que quand on a comme ça une foultitude d'acteurs qui se précipitent comme ça, tous pour finalement offrir des services qui ont l'air assez équivalents, il faut prendre le temps d'abord de comprendre, comme disait Isabelle, il faut observer, comprendre, et puis voir un peu quels sont les business models qui sont derrière, voir aussi un petit peu qui sont les gens qui sont partie prenante de ces projets, de quels transferts de technologie ils ont bénéficié, qui ils sont, d'où ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller, parce qu'effectivement, bon, tous nous disent qu'ils veulent changer le monde pour le meilleur, mais que veulent-ils vraiment faire ? On voit des acteurs, par exemple, dans l'observation de la Terre, qui ont commencé effectivement par vouloir lancer quelques preuves de concept avec des imageurs, et puis qui finalement... Donc des imageurs, c'est-à-dire des satellites avec des qui caméras. Font l'image. Oui, ils font qui l'image, font l'image. Hein. Ou carrément qui utilisent d'ailleurs aussi des caméras à bord de la Station Spatiale Internationale, qui vendent effectivement ces vidéos. Alors c'est attractif dans un premier temps, mais in fine, pourquoi véritablement en faire ? Donc on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va être véritablement rentable. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que les gens n'hésitent pas à changer complètement de business. Vous prenez une société comme, par exemple, Planetary Resources. Au départ, ils faisaient de l'imagerie. Et puis, ils ont décidé que finalement, ça n'allait pas assez vite. Il y avait peut-être un créneau plus porteur. Ils ont décidé de s'intéresser aux ressources spatiales. Et puis, finalement, c'est-à-dire ressources minières, c'est ressources ça minières. C'est-à-dire, on va aller on change faire complètement. Récupérer des minerais sur des astéroïdes. Sur des astéroïdes ou sur des corps célestes. Et puis finalement, là aussi, les financiers demandant des retours sur investissement très rapides, puisqu'on est sur du capital risque, et ces retours paraissant assez lointains, puisque les technologies sont à peine développées, même pas Isabelle Sourbès-Verger sourit. Ben oui. Elle opine. Là, on est effectivement un peu, je dirais, dans le rêve. Dans le rêve, d'accord. Et bien finalement, il faut montrer qu'on est rentable. Alors du coup, ils reviennent sur l'observation de la Terre. Et comme ça, on arrive à des sociétés qui finalement n'arrivent pas véritablement à trouver leur business model. Entre parenthèses, Planetary Resources a définitivement été rachetée par une société du Bitcoin. Pour vous dire qu'on arrive aussi à des choses tout à fait surprenantes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc à côté de ça, vous avez des acteurs qui trouvent leur business model. Prenez par exemple l'acteur comme Planète. qui aujourd'hui commence à être assez connu. On pense même peut-être d'ailleurs que ça deviendra un des trois grands après Digital Globe et Airbus. Eh bien, Planet, c'est une société qui a réussi tous ses tours de table, qui est montée en puissance. Au départ, c'est le cas de dire, c'était trois gars dans un garage, ça s'appelait Cosmogia. Ensuite, ils sont devenus Skybox Imaging. Skybox Imaging, ils ont fusionné avec un autre, ils sont devenus Terabella. Terabella, maintenant, ils sont devenus, ils sont intégrés dans Planet. Et voilà un acteur qui, finalement, en 5 ans de temps, a réussi non seulement à faire quelque chose d'innovant, alors on sent des micro-télescopes qui lui permettent de faire des petites imagettes et donc d'avoir beaucoup de revisites, qui a fait une levée de fonds supplémentaire pour acquérir un acteur historique avec des satellites tout à fait old space, sérieux, 5 mètres de résolution, et qui, se rapprochant de Google, avec Terabella, a acquis la constellation des SkySat, qui sont des satellites d'imagerie métrique. Donc ils ont un panel complet, très diversifié finalement, et c'est une offre aujourd'hui qui est... Un panel très diversifié de satellites, de résolution, d'images à différentes résolutions. Et donc ils sont en position... Toute une constellation, plein de petits satellites qui tournent... Toute une constellation, et du coup ils ont une offre qui est tout à fait originale. Voilà, et qui, j'ai besoin d'images quelque part sur Terre, je peux m'adresser à Planet. Vous pouvez vous adresser à eux, voilà. Alors après, la difficulté, c'est d'arriver à remettre à flot cette constellation de micro-télescopes pour faire de la revisite rapide. Il faut arriver à trouver les lanceurs qui permettent d'emporter tout ça et de renouveler le grand nombre de micro-télescopes. Mais voilà, des business tout à fait originaux. Et ça, c'était pour de l'optique. Il y a des choses qui sont en train de se faire sur le radar, sur de l'hyperspectral, sur de l'AIS, sur des télécoms. Toutes les technologies spatiales sont en train d'y passer. Donc on assiste effectivement à un grand chamboulement, à un grand bouleversement. Mais est-ce que tout ça ira véritablement jusqu'au bout? Quand on regarde... Qu'est-ce que vous appelez jusqu'au bout? C'est-à-dire jusqu'à des modèles viables financièrement. Voilà. Et donc pérennes. Est-ce que ce sont les futurs... Est-ce que ce ne sont pas des coups dans l'eau? Déjà en 5 ans, il y a des morts. Ah. Il commence déjà à y avoir des morts. Il y a des projets. Donc il y a une bulle spatiale aussi un petit peu. Ah, il y a un phénomène effectivement de bulle de constellation, mais phénomène qui existait déjà dans les années 90. Oh, c'est ça. Et de toute façon, c'est intéressant. Face enfin, ceux qui ont envie de regarder le site de Planet Lab, vous avez toute une. Planet Lab, c'est pas Planète, hein. Si si. Ah, c'est Planet Lab. C'est les mêmes. Ils ont le nom a évolué, etc. Et donc je pense que si vous tapez Google Planet, vous allez vous trouver avec beaucoup de réponses. Alors Planet Lab, ça va vous aider, même si aujourd'hui le site s'appelle plus que Planète. Et ce qui est très intéressant, c'est que leur page est très très bien faite et ils vous montrent tous les types d'applications possibles. Et là, vous découvrez des choses qui, moi, dans les années 90, faisaient frémir à l'époque les militaires et tout ce qui était réflexion stratégique sur la confidentialité des données acquises de l'espace. Parce que, par exemple, vous voyez des ports chinois avec des énormes tas dans lesquels vous pouvez vraiment compter globalement le nombre de produits qui vont être emportés dans les bateaux. On peut compter de la projection. On peut compter les conteneurs. Vous pouvez compter des conteneurs. Évaluer une activité économique. Absolument, absolument. Vous pouvez mesurer des résultats de récolte. Vous pouvez. Alors, il y avait une photo qui plaisait beaucoup aux Chinois, qui était la première sortie de leur porte-avions. Donc, vous voyez très, très bien le porte-avions suivi de son escadre, etc. etc. Et du coup, bon, alors après, la vraie difficulté dans l'observation de la Terre, c'est de quand date cette image? Quand a-t-elle été prise? Comment a été fait le traitement? Et là, vous pouvez imaginer des tas de choses en information, désinformation. Donc j'achète une image, mais je ne sais pas forcément exactement ce que j'achète. Là, vous n'avez même pas besoin de l'acheter sur Planet Lab. Vous pouvez la regarder, amusez-vous, ouvrir, regarder, etc. D'accord, je ne sais pas si elle n'a pas été modifiée. Maintenant, qu'est-ce que vous regardez? De quelle date c'est et comment ça a été pris et comment ça a été fait? Ça, en revanche, c'est un petit peu plus opaque. Mais y a Planet Lab le dit. Il dit rien. Il vous donne vaguement une date et un truc, mais vous, de toute façon, vous n'avez pas de moyen de contrôle. D'accord. Mais oui, ce qui est intéressant et qui vraiment, sur le plan de l'activité spatiale, marque sans doute le tournant qu'évoquait Muriel, c'est que vous avez de plus en plus de systèmes. Et qui dit de plus en plus de systèmes dit malgré tout une transparence obligée. C'est-à-dire que si effectivement Planet Lab nous sort des choses qui n'ont pas de sens, eh bien, il est plus difficile de remontrer des images. Donc ça crée une règle comme de bons usages. Comme il y a une concurrence, on peut imaginer que si certains trichent un peu, ça va se voir. En tout cas, on peut éventuellement le dénoncer. Mais, et surtout, ces acteurs-là n'ont pas les obligations et n'ont pas le sentiment du devoir que pouvaient avoir des premiers acteurs comme ImageSat ou Iconos, les premiers dans les années 90 que les Américains faisaient avec des... des résolutions très très bonnes, et où là c'était assez intéressant de voir que souvent les patrons de ces boîtes-là arrivaient du National Reconnaissance Office et qu'eux ils avaient pour le coup une culture et un arrière-plan sur lequel ils étaient bien sensibilisés à ce qu'était le côté stratégique de telle ou telle donnée. Puis après, donc maintenant, ça se démocratise, cette donnée-là, justement, elle se démocratise. Sans qu'on sache exactement ce qu'on achète. Et il y a une forme de banalisation de l'activité spatiale, parce qu'en réalité, à partir du moment où vous avez non plus des acteurs étatiques qui rentrent ça dans une problématique globale et qui contrôlent la totalité de la chaîne, effectivement, vous ouvrez la boîte et plein d'autres choses deviennent possibles. Et c'est aussi ça qui change aujourd'hui la physionomie du spatial. Même si, et c'est la dernière chose sur laquelle je veux insister, certes, il y a un bouleversement, certes, il y a des nouveaux acteurs, mais les anciens, ils sont toujours là. Et donc, ceux qui mènent la danse en grande partie. Encore aujourd'hui, oui, ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Ça veut dire quand même, alors pour rester sur ce monde des constellations, cet exemple-là, on voit bien qu'il y a des réalisations réelles. Hein, on parlait du Falcon de SpaceX, hein, qui a été un lanceur disruptif, beaucoup moins cher, avec de nouvelles méthodes. Un homme venu justement du monde de l'Internet, du numérique, et qui change beaucoup de choses, change la donne dans le domaine de l'industrie spatiale aux États-Unis avec ce lanceur très très peu cher. Hein, c'est quand même une performance. Donc on voit qu'il y a des vraies réalisations, mais derrière, il y a une sorte de brouillard et tout un ensemble d'initiatives dont on ne sait pas toujours, quand on est à l'extérieur en tout cas, ce qu'elles valent vraiment et ce qu'elles vont donner au final. Il y a une incertitude quand même, il y a une sorte de brouillard. C'est un petit peu le risque, effectivement. Là, on est sur des programmes qui, quelque part, ont, malgré tout, en perspective, des commandes publiques. Alors, donc, à quoi vous faites allusion, là, en l'occurrence ? Je fais allusion à SpaceX. SpaceX a de l'argent, parce que SpaceX va recevoir de l'argent de... Oui, mais les autres aussi. De l'US Air Force, de la NASA. Mais les autres aussi. Je dirais, la force, effectivement, de ces nouveaux acteurs aussi, c'est qu'en face, il y a un marché. Et c'est ce qui motive, d'ailleurs, les investisseurs privés. Si les investisseurs privés n'avaient pas, effectivement, la garantie de cette commande publique en perspective, ils ne seraient pas là à venir soutenir et à se dire qu'il y a de l'argent à faire dans le domaine spatial. Donc il faut savoir que malgré tout, même si on voit se développer de nouveaux acteurs commerciaux, aujourd'hui le business reste quand même à 60% guidé par la commande institutionnelle, y compris côté américain. Donc quand on parle de SpaceX, il ne faut pas se tromper. D'abord, c'est une société qui a largement bénéficié de transferts de technologies. Ensuite, elle a effectivement la perspective de cette commande institutionnelle qui lui permet de garantir un bon rendement et qui lui permet du coup aussi de pouvoir faire des offres commerciales concurrentielles à l'export tout à fait performantes vis-à-vis de ses concurrents. Donc on a là un acteur qui est redoutable et qui est prêt à mettre à mal tout concurrent international, y compris français. Et en même temps, c'est parfaitement logique, parce que les premiers actes de commercialisation de l'espace qui sont sortis par le gouvernement américain, c'est les années 85, 83. Vous avez Reagan qui propose le premier Space Commercialization Act. Et dans tous les documents américains, mais même depuis la fin du programme lunaire, l'idée, c'est qu'un jour, l'espace, c'est la nouvelle frontière. Et ça va devoir être occupé par des entrepreneurs, ça va devoir rentrer dans le droit commun, et ça va devenir un domaine comme les autres. Et en même temps, quand on dit ça, c'est complètement à côté de la plaque, parce que le spatial, c'est pas un milieu comme les autres. Le spatial, alors vous avez des tas de comparaisons sur le train qui a permis de conquérir l'Ouest américain, le type avec son chariot qui met ses trucs, et on retrouve ces comparaisons sur les astéroïdes. Par exemple, effectivement, on imagine une société américaine qui se pose sur un astéroïde, elle prend les ressources, elle repart avec. En droit américain, c'est normal, finalement, on a fait ça pour conquérir l'ensemble des États-Unis, ça marche. Sauf que dans le spatial, ça se passe pas comme ça. Alors, je parle même pas du droit spatial international qui fait que c'est pas si clair qu'on ait le droit d'aller piller un astéroïde en disant « Ah non, mais je ne me le suis pas approprié, juste il n'existe plus une fois que je suis passé. » Mais moi, je ne me suis pas approprié, c'est juste que pas de chance, je l'ai détruit. Alors bon, il y a cette dimension-là, je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Mais surtout, il y a la Terre, il y a un seul satellite naturel, c'est la Lune. Donc là, vous pouvez imaginer que vous avez un trajet Terre-Lune, donc entre un port et un autre port, sauf que le retour de la Lune pour amener des choses sur la Terre, ça coûte aussi cher que pour les envoyer sur la Lune en termes d'énergie et de compétition. Donc, c'est pas tellement intéressant. Et puis, pour le reste, les satellites sont éphémères. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de bien que vous ramenez. Enfin, ça n'a rien à voir. Et très souvent, les lectures et les discours et les documents que vous avez sur le spatial, ils oublient juste cette petite caractéristique qui n'est quand même pas mince. que le spatial, ça reste quand même un milieu extrêmement particulier. On dit que c'est le spatial, c'est une industrie très capitalistique. Il faut énormément d'argent. Le droit d'entrée est extrêmement élevé. C'est-à-dire que pour faire des choses dans l'espace, il faut mettre déjà sur la table énormément d'argent. C'est ça qui rend... C'est un des éléments qui fait que le spatial, ça reste un domaine qui est réservé quand même, qui se démocratise, mais se démocratise lentement. Alors c'est un domaine effectivement où pendant longtemps le ticket d'entrée a été extrêmement cher, sauf qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui existent sur étagère, en tout cas il y a des lancements privés. Il y a sur des... étagère ça veut dire C'est à portée de main, il y a des moteurs qui existent, voilà, quand même, je les achète. Avec le développement de ce qu'on appelle les CubeSats, ce sont des satellites à des formats standards de 10 par 10 par 10, donc un U c'est 10 par 10 centimètres, par 10 centimètres, donc on est sur quelques centimètres cubes, et puis 3U, 6U, etc. On arrive à faire comme ça, des petits satellites. 3U, 6U, des petits cubes comme 3 unités, donc vous faites plusieurs. C'est vraiment l'idée d'un cube au fur et à mesure. Donc vous faites, vous avez des standards comme ça, dans lesquels vous amenez des charges utiles, donc que ce soit des charges utiles de télécom ou de localisation ou d'optique. Charges utiles, c'est ça qui va faire la fonction. Une caméra, par exemple, pour voir quelque chose. Voilà, si vous. Et donc, aujourd'hui, vous avez carrément des kits. Avec des kits pédagogiques qui existent, vous avez aussi des opérateurs qui sont prêts à dimensionner le système qui va bien en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez même ce qu'on appelle des brokers, c'est-à-dire des gens qui vont faire de la mise en relation d'acteurs pour vous permettre effectivement d'avoir la meilleure offre au meilleur moment, y compris le lancement, enfin tout. Tout clé en main. On parle de satellite as a service, peut-être même que demain on parlera de space as a service. Satellite as a service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais vous ne vous préoccupez plus de fabriquer votre propre satellite, vous payez du temps d'utilisation d'un satellite qui existe ou qui va être fabriqué. Et donc on dématérialise complètement la notion de satellite, on perd la notion de propriété du satellite pour une notion plutôt d'utilisation et de service. Et là aussi on change complètement la vision des choses. Et vous me disiez qu'effectivement, en termes de démocratisation, comme on le disait dans les années 60, au tout début de l'histoire du spatial, il y avait 4 nations qui étaient des nations spatiales. Aujourd'hui, vous avez quand même 70 pays qui sont propriétaires d'une capacité spatiale. Alors tous ne sont pas des États... Ce qui s'appelle une capacité spatiale, c'est quoi? Propriétaire d'un satellite. Propriétaire d'un satellite. Ou de plusieurs satellites. Donc vous avez des agences spatiales qui se créent quasiment, j'allais dire, tous les jours presque, puisqu'aujourd'hui, on en est à plus de 40 agences spatiales. Le Luxembourg a son agence spatiale. Le Portugal est en train de créer son agence spatiale. L'Australie a son agence spatiale. L'Afrique du Sud a son agence spatiale. Ça se démocratise de partout. Il y a effectivement un véritable engouement pour l'espace. Et c'est vrai qu'aussi quelques messages qui sont passés, l'histoire du lancement de la Tesla rouge de monsieur Musk avec un scaphandre. On va prendre une seconde pour nous rappeler ça. Ça, c'est quand même extraordinaire. Elon Musk Elon Musk, le patron donc, de SpaceX. Marquer un petit peu le coup par rapport à son idée d'aller sur Mars, a eu l'idée effectivement de lancer donc une Tesla, puisqu'il est aussi patron de Tesla. Donc c'est une voiture. Une voiture, en l'occurrence, elle est décapotable. Elle est rouge. Et vous avez donc un scaphandre qui, négligemment, donc, est dans cette décapotable et qui écoute du Bowie. Qui n'entend pas parce que de toute façon dans l'espace on n'entend pas. Le côté symbolique est là. On démocratise l'accès à l'espace. On amène les gens à penser que aller dans l'espace est quelque chose de simple, de facile, une promenade dominicale. Alors que, comme vous le disiez, l'espace est un milieu extrêmement difficile, hostile. Il y a 10 000 façons de mourir dans l'espace. Donc, il faut quand même faire attention. Il faut y aller. Il faut faire attention aux radiations. On ne peut pas y respirer. Il y a quand même certaines choses à mettre en perspective. Et vous me demandiez, est-ce qu'il est important de faire de la prospective? Oui, il est important de faire de la prospective. Parce que quand il y a une accélération comme ça, quand on voit effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et que finalement il y a les incertitudes augmentent. On n'est plus dans du prévisionnisme, la statistique ne suffit plus. Donc face à une multiplication des incertitudes, la prospective redevient importante. Et on revoit aussi aujourd'hui une remontée effectivement de ces activités de prospective pour essayer de réfléchir sur du temps long. tout en motivant aujourd'hui des actions pour préparer l'avenir. Vous avez senti qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose là, hein? Oui, d'accord. Mon grand-père était chercheur d'or en Alaska. Il en a eu marre d'être entouré de voleurs. Dès qu'il trouvait un filon, ses potes étaient là pour profiter de son boulot de prospecteur. Alors il a décidé de reprendre les études. Il est devenu un astronaute vachement fort. Maintenant il fort dans l'espace et sur la lune. Et puis ses copains peuvent plus lui piquer son or. Ça, c'est bien joué ça. Alors dans quelques instants je vais venir vers vous et puis on va en discuter, mais voilà, je vais vous passer la parole et vous allez pouvoir intervenir directement et poser vos questions si vous en avez à Isabelle Sourbès-Verger et à Muriel Lafaille. Mais il y a quand même tout un volet dans notre soirée, c'est le jusqu'où. Alors on comprend bien, accélération oui, démocratisation oui, donc il se passe énormément de choses, on ne sait pas exactement où ça va, certains projets vont mourir de leur belle mort. Il y a peut-être un peu trop d'engouement. On va bien voir. En tout cas, il est là, il y a de l'énergie, il y a de l'argent. Et c'est quand même le nerf de la guerre. Et donc, il y a un jusqu'où quand même qui doit être posé. C'est une question peut-être éthique, en tout cas. Et donc, est-ce qu'il y a des risques associés à cet engouement pour l'espace? On pourrait aller trop vite, et alors quels seraient les risques associés? Le jusqu'où, déjà, quand on parle des constellations, ça pose potentiellement le problème des débris. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'espace, une des caractéristiques, c'est qu'au bout d'un certain temps, si le satellite est suffisamment à la fois gros et près de la Terre, il va assez vite rentrer dans l'atmosphère. L'atmosphère va faire une forme de pyrolyse. Hein. Elle va cramer l'objet au moins quelques années, voire décennies. Ça dépend, si c'est un gros satellite qui est à 100 km d'altitude, ça va, ou 150, ça va partir très beaucoup, vite. Il n'y en a pas beaucoup à 100 km. Il y a eu énormément de satellites qui ont été lancés à des altitudes relativement basses à une époque et qui ont disparu, bon, comme ça. Mais si vous imaginez 10 000, 6 000 satellites de télécommunications qui orbitent en plus dans les mêmes plans d'orbite et aux mêmes altitudes, avec le même, globalement avec les mêmes paramètres, eh bien effectivement, il va falloir prévoir de débarrasser l'orbite et donc de doter ces satellites. Et là aussi, ça fait de l'innovation, c'est intéressant. Alors il y en a qui imaginent d'ouvrir une voile pour faire un peu plus de frottement. Il y en a qui imaginent... Donc du frottement pour être... retomber plus vite, etc. Donc le jusqu'où... Parce que le frottement, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu de résidu d'atmosphère, et puis il y a aussi le vent solaire qui vient frapper sur la voile. Oui, vous choisissez en pleine observation. Puis après, les débris, il y a plein d'autres choses. Les débris, il y a tous les petits bouts de tas de choses qui se baladent toutes seules et qui sont un problème permanent. Mais indépendamment de ça, ce que je veux juste dire par là, c'est que finalement, ça, ce sont des choses qui sont bien perçues par les utilisateurs eux-mêmes, parce qu'il est de leur intérêt de pouvoir continuer à exploiter. Donc là, c'est vrai que ça va rendre les choses un petit peu plus chères, mais on en est bien conscient. Et ce que je voulais rajouter sur le jusqu'où, c'est qu'il y a quand même, de la même façon qu'il y a d'un côté le vieil espace classique des États, de la puissance, etc., etc., et de l'autre côté le New Space, qui a aussi beaucoup d'applications et qui, d'une certaine façon, n'est peut-être même plus typiquement espace, enfin, n'a peut-être pas une culture spécifique, mais plutôt transpose la culture classique dans des activités qui se font dans l'espace. Après, c'est ce qu'on appelle, c'est le CNES, je crois, qui a été le premier à lancer ce slogan-là, de parler de l'espace pour la Terre, donc c'est-à-dire l'espace au service des applications et au service du genre sur Terre, et puis l'espace pour l'espace. C'est-à-dire, en fait, faire de l'exploration spatiale, aller plus loin, comprendre, découvrir, etc. Et celui-là, espace, il change pas tant que ça. Alors cette partie, effectivement, de l'espace pour l'espace, c'est quelque chose aussi qui est assez prometteur, puisque aujourd'hui, c'est vrai que quand on y réfléchit, ben finalement, la Terre donne tout. La Terre donne ses enfants, qui sont des astronautes, et elle donne aussi ses ressources, puisque aujourd'hui, pour aller dans l'espace, ben, on utilise les ressources terrestres. Donc finalement, cette idée d'utiliser les ressources de l'espace pourrait être intéressante, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle. C'est vrai que si on utilise ces ressources pour les ramener sur Terre, quelque part, on va chercher de l'or parce que ça, c'est rare et ça coûte cher. Mais si on en ramène beaucoup, on écroule les cours de l'or. Donc c'est pas forcément très intéressant. D'autant que et ça coûte cher en plus à faire. Alors finalement, pourquoi est-ce que l'espace ne pourrait pas se suffire à lui-même? Et pourquoi est-ce que finalement ces ressources spatiales ne pourraient pas être utilisées directement dans l'espace et développer en fin de compte une nouvelle économie de l'espace dans l'espace? Et ça. Voilà. Et ça, on commence à trouver effectivement quelques business models qui pourraient commencer à tenir la route avec de l'exploitation de minerais, de la fabrication directement, de la réutilisation qui du sol lunaire, qui de l'extraction de l'eau sur la Lune. Mais comme vous le disiez, ça pose quelques petits problèmes éthiques tout ça. Parce que est-ce qu'on veut effectivement un développement de ces activités façon ruée vers l'or ? Avec, je dirais, quelque chose tous azimuts, hein, sans régulation, sans rien. Où est-ce c'est qu'on le Far West, là. C'est le Far West. Le premier arrivé rafle la mise. Rafle la mise. Où est-ce qu'on envisage un développement un petit peu plus durable? Et comme le disait Isabelle, de faire attention à ce que le développement soit pérenne, qu'on fasse un petit peu attention. Alors, c'est l'idée de la France et de l'Europe avec la loi sur les opérations spatiales, où effectivement, on fait attention aux matériaux qu'on utilise, on fait attention à la façon dont on lance, à la façon dont on va exploiter. Ce sont des lois nationales. Hein. C'est une loi nationale, ouais. C'est un droit effectivement qui est tout à fait original, puisque la France est promoteur de cette loi sur les opérations spatiales. Tout le monde n'a pas adhéré à ça, puisque certains ne veulent pas réguler et pensent que ça peut être plus efficace. Bon, nous avons une approche qui est un peu différente. Et puis, ma foi, est-ce qu'on veut effectivement que cette eau qui est sur la Lune aujourd'hui, est-ce qu'on veut l'utiliser pour l'homme dans l'espace, pour boire, tout simplement, ou pour cultiver, ou est-ce qu'on l'imagine comme carburant pour des satellites? Parce qu'aujourd'hui, les premiers business models sont justement pour utiliser l'eau pour faire du carburant pour des satellites. Ça pose quelques petits problèmes. Si on développe tout dans cette unique vision, qu'est-ce qui nous restera comme eau pour faire des stations de relais dans l'espace pour l'exploration humaine? Est-ce qu'il faut mettre tous nos œufs dans le même panier? Est-ce qu'il nous faut commencer aujourd'hui à réfléchir d'un point de vue éthique? Ça fait partie des questionnements que nous avons dans Spécible. Dans Spécible. Voilà, on va y revenir tout à l'heure à ce grand forum que vous avez initié. Est-ce que les uns les autres ici, vous avez envie de discuter, de ajouter votre grain de sel au débat, poser vos questions? On est là pour ça. On a encore pas mal de temps, donc vous levez la main et puis je viens jusqu'à vous. Vous connaissez le principe. Voilà. Il faut surtout profiter de la présence d'Isabelle Sourbès-Verger et de Muriel Lafaille. Vous avez vu que c'est des puits de science. On les arrête pas, mais voilà. Donc c'est absolument passionnant. Alors voilà. La parole est à vous. Isabelle Sourbès-Verger, ouais. Le temps que vous réfléchissiez, il y a juste un petit truc que je voudrais rajouter. C'est qu'effectivement, comme le dit Muriel, il y a la question de comment on se projette et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Puis il y a déjà la question de comment on approche à partir de nos propres cultures nationales. Et alors là, on est en période de Noël, donc vous savez, on cherche toujours désespérément les cadeaux de dernière minute. Et, parce qu'il y a quelques personnes pour qui ça m'intéresserait. Oui, voilà. Alors, il y a quelque chose qui existe. Je n'ai pas vérifié récemment s'il leur restait encore des articles de ce style, mais je penserais que oui, vous allez voir pourquoi je dis ça, qui est en fait une société américaine qui vous vend des petits morceaux de lune. Oh. Alors c'est sympa parce qu'ils vous vendent un petit papier en fait, hein, qui ah oui, vous d'accord. dit que vous avez tant de... Oui, vous avez une concession sur la lune. Et alors c'est très très sympa, donc vous voyez à l'époque où la dernière fois que j'avais regardé, ça coûtait 20 euros, enfin ça avait rien, c'était vraiment pas cher. C'est donné, franchement, une concession c'est carrément sur la donné. Lune à 20 alors, euros. Ils précisent qu'ils peuvent pas vous dire où aller. Ah non. Non, vous avez une concession sur la lune, vous ne savez pas où aller. Mais si vous en achetez plusieurs, elles seront jointives. Mais on ne sait pas où. Donc ça, c'est quand même déjà très sympa. J'aime bien. Est-ce qu'on peut choisir si c'est côté caché de la lune? Non, non, non, côté... on ne peut pas choisir. Ah, non, on peut pas choisir. Ça, on verra plus tard. C'est quand vous serez capable d'y aller, vous verrez où est-ce qu'elle est. On sera peut-être dans le noir éternel. Voilà. Et alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est rigolote, c'est que je crois que... Je n'ai pas regardé récemment, je ne pensais pas qu'on parlerait de ça. Mais je crois que le propriétaire de cette société s'appelle le Grand Ambassadeur Galactique ou quelque chose comme ça. Et j'ai peur que ça ne soit pas de l'humour. Et ce monsieur justifie... Vous voulez dire qu'il est vraiment grand ambassadeur galactique? Qui se voit comme ça, ah, d'accord, oui. D'accord. Se voit comme ça. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il explique que sa société est parfaitement licite, alors que bon, le droit spatial international, a priori, dit qu'on n'a pas le droit de faire de l'appropriation. Mais bon, la Lune, c'est compliqué. Enfin, bon, mais même indépendamment de ça, c'est l'argumentaire qui est très joli. Il dit j'ai écrit aux Nations Unies et je leur ai donné 3 mois pour me répondre et pour me dire si oui ou non j'avais le droit. Ils ne m'ont pas répondu, c'est donc que j'ai le droit. Vous savez, le principe du rescrit, bon, évidemment. Et le deuxième élément, c'est je suis inscrit au registre du commerce. Et donc, voilà. Et ça, c'est une société américaine. Elle existe depuis une dizaine d'années. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas combien ils ont de clients, d'essayer de le mettre sur le site. Mais il y a 5-6 ans, vous avez une société chinoise qui a trouvé que c'était quand même une vachement bonne idée et elle a décidé de faire pareil. Et donc, elle a commercialisé des morceaux de lune. Mais ça ne s'est pas du tout passé pareil. La société, elle s'est retrouvée devant un tribunal en Chine où on leur a expliqué que en Chine, la propriété du sol, ça appartenait à l'État et sur la lune aussi. Et donc, les Chinois ont eux-mêmes fermé leur propre société qui imaginait donc pour les cadeaux de Noël chinois. Que le sol lunaire appartient à l'État chinois. Bah, l'État chinois dit en tout cas un privé, vous n'avez sûrement pas le droit d'aller vendre un truc qui est du sol, parce que je vous rappelle que selon la loi chinoise, le sol, ça appartient à l'État et pas au particulier. Et je trouve ça très intéressant parce que, si vous voulez, c'est juste de la projection des cultures nationales sur quelque chose où, en fait, le droit spatial est d'ailleurs assez malheureusement, on va dire, très, très flou. Alors, il y a quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire ici, c'est Michel. J'aurais d'autres questions plus tard, mais on série les problèmes. Dans cette célèbre escroquerie, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom quand même, et ça dure depuis, vous dites 10 ans, je crois avoir vu ça bien avant, il y a 10 ans, il y a quand même quelques problèmes évidents. Déjà dans le fonctionnement du système, bon, mais indépendamment du fait de savoir si on a le droit de vendre des choses de la Lune, y a la première question, c'est quand même, normalement, pour vendre quelque chose, il faut l'avoir. Donc comment quelqu'un peut vendre un truc qu'il n'a pas ? Moi, je peux vous vendre la Joconde, éventuellement. Mais attendez, mais... c'est pas de l'escroquerie dès lors que vous avez envie de rêver. Vous achetez un papier qui vous dit que vous êtes propriétaire de ces virtuels. Vous pouvez acheter un truc virtuel. Je veux dire, vous ne pouvez pas le traduire. Il n'y a pas d'arnaque. Personne ne vous oblige. Il ne vous vend pas autre chose que ce qu'il vous dit. C'est-à-dire, c'est un papier qui vous dit que vous avez une possession sur la Lune et quand vous irez, vous pourrez la prendre. Vous avez envie de l'acheter, c'est votre problème. On peut vendre aussi des billets de Monopoly. Mais, Il y a d'autres choses du même genre, d'ailleurs, puisqu'on a essayé de vendre des étoiles ou tout au moins de vendre aux gens le fait qu'on donnerait leur nom à une étoile et l'Union Astronomique Internationale, de temps en temps, essaye de taper sur ce genre de choses parce qu'il n'apprécie pas du tout. Oui, mais là, de fait, vous vous rendez compte si oui ou non on a donné votre nom à une étoile. L'astuce, c'est que si vous voulez... Il vous envoie un certificat de la boîte en question, mais que en fait, vous avez une nomenclature qui existe, etc. Alors que là, il ne vous dit pas qu'il vous vend la Terre, il vous dit qu'il vous vend le certificat. Donc, c'est quand même vachement plus subtil. Donc, il n'y a rien à dire. D'autres interventions, peut-être ? Bonsoir. Donc moi j'avais une question. En fait, vous parlez d'un domaine très concurrentiel concernant l'espace avec des sociétés privées et puis un droit qui est assez flou, qui est assez difficile à mettre en place à l'heure actuelle. Est-ce que dans ce contexte-là, les agences spatiales nationales ou internationales comme l'agence européenne arrivent quand même à collaborer pour pouvoir mener à bien des projets plus grands et pouvoir apporter une certaine évolution dans le domaine spatial ? Alors oui, tout à fait. Cette coopération existe déjà depuis très longtemps et elle se poursuit. C'est vrai que l'espace, et vous faites bien de le dire, c'est d'abord un formidable endroit pour la coopération internationale. Je pense d'ailleurs que la Station spatiale internationale fait partie aussi de ces choses tout à fait emblématiques. Donc oui, ça se traduit en termes de coopération par des choses très... très diverses. D'abord, on pense à de nouveaux éléments dans l'espace, que ce soit ce qu'on appelle la Deep Space Gateway ou des stations en orbite lunaire. On pense aussi sur des missions peut-être à destination de Mars. Je crois qu'aujourd'hui, aucun pays n'envisage de le faire tout seul. Donc là aussi, ça sera certainement un élément de coopération internationale. Et puis, même sur des parties, effectivement, qui sont un petit peu plus futuristes aujourd'hui, d'extraction de ressources, d'exploitation de minerais ou d'installation de bases qui sur la Lune ou qui sur Mars, je crois qu'aujourd'hui, les feuilles de route qui sont envisagées sont effectivement tout en coopération internationale. On imagine mal un seul acteur qui arriverait à développer tout ça tout seul. Quand le président Obama a déclaré que l'exploitation l'exploitation, enfin l'exploration spatiale ne se ferait pas uniquement avec le budget des agences. Je crois que ça a été quand même un signal assez fort de dire que non seulement effectivement il n'y aurait pas une seule nation qui irait seule pour réaliser cette exploration spatiale, qu'il y aurait effectivement aussi un effort du privé et donc qu'il y aurait mobilisation de beaucoup de ressources et d'enthousiasme pour y parvenir. Si on se reporte à la page 2 là, de notre livret qui a été installé sur vos tables, on a ce projet là de Lunar Orbital Platform Gateway. C'est un projet de la NASA. Il y a beaucoup de projets hein, comme ça, tous les 3 ans. Oui, d'accord. C'est parti, le coup est parti. La nouvelle étape. Oui. Alors, c'est la nouvelle étape. Alors, aujourd'hui, c'est effectivement un projet qui est tout à fait sérieux, hein, auquel les agences réfléchissent, il commence à y avoir des discussions. Après, est-ce que ça sera le bon objet ou est-ce qu'il faudra, on décidera d'aller directement sur la Lune? Il y a encore un certain nombre de discussions. Et là, je dirais, ça... C'est le schéma assez normal quand on parle d'espace. Et la question étant quand même, qui paiera? Et là, ça devient intéressant parce que, par exemple, vous avez la NASA qui développe un lanceur lourd et vous avez Elon Musk qui développe un lanceur lourd. Donc, on n'est pas exactement dans la synergie parce qu'on a besoin que d'un seul lanceur lourd. Donc, on n'est pas vraiment dans la synergie. Et c'est, un lanceur lourd, c'est capable d'envoyer 100 tonnes en orbite. Oui, c'est comme ce que faisait Saturne 5 pour Apollo. Et donc, du coup, la grande question, c'est finalement qui va payer et comment les gens qui coopèrent vont se répartir la somme à payer. Aujourd'hui, la station spatiale internationale, on insiste beaucoup sur le fait que les Chinois en sont exclus, et ce qui est tout à fait exact. Donc, c'est une station spatiale internationale essentiellement occidentale, avec en plus les Russes pour des raisons tout à fait historiques et qui étaient liées à la compétence qu'ils avaient au moment où l'Union soviétique a disparu et où ils se sont transformés en Russie et où ils ont perdu, je dirais, toute la motivation interne pour continuer du spatial. Mais il y avait aussi une autre raison qui est qu'à l'époque où se construit la station spatiale internationale, donc dans le tournant des années 90, enfin, elle se décide et puis elle se construit progressivement, les Chinois n'avaient ni les moyens financiers ni les capacités technologiques de toute façon pour faire partie de cette station spatiale internationale. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes et on ne pourrait pas imaginer une mission de coopération martienne qui exclurait les Chinois. L'autre intérêt pour les agences d'être en coopération, et ça, alors ça a des bons et des mauvais côtés, c'est que vous êtes tenu, si vous voulez, quand même par un accord. Et donc, quand quelqu'un décide d'arrêter une coopération unilatéralement, on lui rappelle que c'est ennuyeux, mais il a quand même signé un accord de coopération avec d'autres et qu'il ne va pas pouvoir se retirer comme ça. Si bien que d'une certaine façon, sur des programmes relativement risqués, les agences aiment bien signer des accords de coopération qui ont plein d'avantages, dont celui de sécuriser le programme parce qu'il prouve l'intérêt de plusieurs États. On a réussi à faire une grande coopération avec la Station spatiale internationale qui orbite depuis quelques décennies maintenant autour de la Terre. Donc on pourrait rééditer l'expérience avec un projet comme celui-là. Mais c'est l'idée. Les Russes disent qu'ils vont participer, sauf que les Russes, ils n'ont plus beaucoup d'argent et pas des technologies extrêmement performantes en ce moment. Donc il y a surtout eux qui disent qu'ils vont y aller. Les Américains et les Européens insistent beaucoup moins sur l'intérêt de la coopération russe. Bon, est-ce que les Chinois iront? Est-ce que tous les problèmes de transfert de technologie, plus les problèmes politiques qui fait que le Sénat américain ne veut pas qu'on coopère, que les États-Unis coopèrent avec la Chine dans l'espace. Comment ça va se régler? Ça va être des problèmes terrestres extrêmement classiques qui vont jouer. À tel point d'ailleurs que la Chine envisage d'avoir sa propre station. Pour avoir aussi, je dirais, sa zone d'influence. Ils ont déjà une station autour de la Terre, mais lui, il y a une station... Alors, ils n'en ont pas. D'accord. Ils n'en ont pas, mais... Tiangong. Alors, ils envisagent d'en avoir une, et effectivement, que ce soit effectivement pour eux un élément de coopération au niveau régional pour eux, et puis peut-être même au niveau international. Donc, ça serait une alternative, effectivement, à la seule présence, on va dire, anglo-saxonne et européenne et russe dans l'espace. Et donc là, on est sur des schémas, effectivement, de confrontation. Enfin, Est-ce qu'on réactive la guerre froide d'une certaine façon? En tout cas, les Américains retrouvent un compétiteur avec la Chine, un compétiteur à leur mesure, et qui est allé très très vite, comme le disait très bien Isabelle. C'est vrai qu'il y a quelques années, la Chine n'était pas un acteur du spatial. Aujourd'hui, non seulement ils sont un acteur du spatial, un acteur majeur du spatial, mais un acteur en plus avec une très très belle feuille de route, avec des missions lunaires, avec des orbiteurs, avec des sondes qui vont se poser sur la Lune, ensuite des sondes qui vont aller, aussi, des rovers, ensuite des sondes qui vont aller vers Mars, qui vont faire ce qu'on appelle un flyby, c'est-à-dire un retour autour de Mars et pour revenir, avec des rendez-vous par rapport à ces objets qui vont revenir. On est sur des choses qui sont extrêmement pointues. Et en même temps, comme il y a quand même très peu de gens qui font tout ça, vous vous apercevez qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'astronautes qui, après avoir appris le russe, apprennent le chinois. Parce que la Station Spatiale Internationale, elle a une fin de vie. Bon, on va essayer de la faire durer le plus longtemps possible, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas très bien comment l'arrêter, d'ailleurs. Et surtout s'en débarrasser. Oui. Il faut la désorbiter, soit la désorbite en plusieurs morceaux. Combien ça va coûter? Parce que c'est pareil, ça va coûter de l'énergie pour la faire basculer. Il y a des vaisseaux qui vont freiner. Ouais. Et donc on a la station spatiale, mais entre elle et le Lunar Gateway qui ne va pas avoir des dizaines et des dizaines de gens, où est-ce que les gens qui ont passé leur vie à s'entraîner pour vivre dans l'espace, parce qu'il a fait une mission, je pense qu'il aurait envie d'en faire d'autres, il n'est pas le seul. C'est une bonne idée d'apprendre le chinois, mais les Russes ont déjà fait ça bien avant les Chinois, puisque je vous rappelle que le premier cosmonaute français, et c'est pour ça qu'il est cosmonaute, Jean-Louis, et pas astronaute, qu'on l'appelle du nom russe, a volé avec les Russes. Et à l'époque, gratuitement en plus. Donc ça, c'était quand même vachement bien. Là, je suis pas sûre que les Chinois, ça sera gratuit. Il y a longtemps, Victor Lustig a vendu la tour Eiffel. Ah oui ? À des messieurs des pauvres Zig. Qui n'ont rien eu de la belle. Ah, tout à l'heure. Qui n'ont rien eu de la belle. Ah, rien eu. Aujourd'hui aux États-Unis, l'ambassadeur galactique. Ne rigole pas. De Lustig, il a tout appris. Et il va gagner du fric. Une petite question de l'Europe, qui est quand même qui a ses fragilités. On pense à l'Angleterre et le Brexit. Est-ce qu'ils ont un programme spatial et comment ça se passe s'ils vont quitter l'Europe bientôt? Comment ça se passe avec les autres Européens? Par exemple. Et puis, il y aura peut-être d'autres. Oui, c'est l'Angleterre pour commencer. Les accords de coopération, ça se casse quand même un peu. Oui, mais en fait, l'originalité de l'Europe, c'est que dans le domaine spatial, c'est pas l'Union européenne qui fait du spatial à l'origine, c'est l'Agence spatiale européenne. Et les Britanniques quittent pas l'Agence spatiale européenne. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, de ce point de vue-là, ça reste. Mais en revanche, il y a d'autres programmes, comme les programmes Galileo, là, donc on a quand même beaucoup parlé de navigation, qui sont des programmes conjoints Union européenne, Agence spatiale européenne. Donc l'Agence spatiale européenne, c'est une recherche de développement et d'exécution, donc elle fait du spatial, et l'UE, c'est plutôt l'entité politique qui peut signer des accords internationaux, etc., sur ce genre de sujet. Pour financer, c'est quand même l'ESA a beaucoup financé Galileo aussi. Mais là, pour le coup, effectivement, va y avoir un problème avec les Anglais sur les usages de Galileo, et il va falloir déterminer comment ça va se passer. Alors après, pour répondre à la question sur est-ce qu'il y a une politique spatiale, alors... Là, ils sont en train de sortir de Galileo, qu'ils aient envie vraiment de sortir de Galileo. Non, pas envie, on les pousse à l'extérieur. D'accord, on verra. Mais en tout cas, ce qui est très amusant, c'est que les Anglais, par exemple, aujourd'hui, et ça revient sur un des points que soulignait Muriel tout à l'heure, avec des petits lanceurs et des petits satellites, les Anglais se verraient bien, alors c'est dans les projets, mais se verraient bien développer plusieurs bases spatiales sur leur sol, y compris en Écosse, et ils auraient leurs petits lanceurs, leurs petits satellites, et pour le coup, ils deviendraient une puissance spatiale au temps plein, au sens de ma définition, indépendant pour lancer quoi et pour faire quoi. Et alors, je vous rassure tout de suite, comme quand même l'Angleterre dans le spatial est très soucieuse de l'argent que ça lui rapporte, je pense que ça va quand même limiter à un moment ou à un autre. Ah, parce que ça coûte, ça coûte cher. Ça coûte et que ça rapporte pas bien, ça va pas aller très très loin. Madame. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pour les satellites, le point Nemo. le point Nemo, on en parle, c'est là où vous parlez de la station Mir, pas la station Mir, celle d'après, l'ISS, qui doit durer beaucoup plus longtemps, que vous allez essayer de faire plus, de durer plus longtemps. J'ai lu qu'elle devait durer jusqu'en 2025 et qu'après, elle irait au point Nemo et serait remplacée par une autre station spatiale. Cette station spatiale, on est quand même sur 25 dessus, y compris la JAXA. Et je voudrais savoir, ce point Nemo, qu'est-ce qu'il a de spécial? Je sais qu'il est quelque part entre l'Afrique du Sud et l'Amérique. Et est-ce que là, les débris arrivent en poussière de l'espace parce qu'ils sont détruits par leur pénétration dans l'espace à très haute température ou quoi? C'est déjà ma première question. Alors là, vous me posez une question qui est particulièrement pointue et à laquelle pourraient répondre mes collègues des lanceurs. J'avoue ne pas être spécialiste du domaine, donc je vais avoir un petit peu de mal à vous répondre. Il y a... Le point Nemo. Non. Alors, on peut parler quand même de la manière dont a été désorbité Mir. Alors, la façon dont on désorbite, effectivement, là, il y a tout un calcul pour faire en sorte, d'une part, d'éviter ce qu'on appelle les trajectoires balistiques. Donc, on fait en sorte, effectivement, d'utiliser, alors, pour les satellites, hein, il y a toujours à bord des ergols pour faire en sorte d'arriver à diriger. Et les ergols, c'est les carburants. C'est les carburants qui sont dans les satellites pour essayer effectivement de diriger ces satellites et faire en sorte de les mettre sur une trajectoire de rentrée qui va être, entre guillemets, contrôlée. Bon. En tout cas, contrôlée de telle façon qu'ils vont aller de préférence dans une zone non habitée. On vise bien souvent le Pacifique qui est un bien vaste océan. Donc pour ce qui était de la station Mir, là effectivement, bah, je veux dire, ça a été désorbité de cette façon-là. Donc il y a eu tout un calcul pointu pour essayer de calculer au plus juste de la faire cracher au niveau du Pacifique pour éviter effectivement qu'il y ait des dégâts. Alors ces problèmes après, je dirais de débris. Hein. Isabelle tout à l'heure parlait des constellations. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette loi sur les opérations spatiales qui fait que on oblige les opérateurs à avoir effectivement des systèmes pour guider la réentrée des objets et faire en sorte de limiter les risques par rapport à la population. Alors sachant qu'on a quand même sur Terre essentiellement, enfin on a beaucoup plus d'eau que de terres émergées et les terres émergées elles sont pas toutes habitées, donc ça limite statistiquement le problème, enfin ça reste de la statistique, donc la fois où vous tombez sur le 1% de chance que ça se produise pas et que ça se produit, c'est du 100% d'échec, donc ça c'est la première difficulté. Globalement, la vraie question, c'est qu'il faut encore que votre satellite y soit, comme tu dis, piloté et pilotable. Par exemple, la station chinoise qui avait été expérimentale, eh ben, ils ont perdu le contact et elle est rentrée toute seule comme elle a pu. Et bon, bah, voilà, ça s'est bien passé, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un risque qui demeure. Ce qui met bien en évidence, d'ailleurs, bah, le fait qu'on a besoin non seulement d'une réglementation, mais aussi de développer les technologies de propulsion, qui de contrôle, d'attitude et d'orbite. Et donc, il faut derrière, effectivement, des gens qui ont du savoir-faire. Donc, cette affaire, je dirais, de nouveaux acteurs aussi, met en évidence le fait que c'est un métier et qu'ils apprennent aussi que, justement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles à respecter, il y a effectivement des réglementations internationales pour ça. Et puis, d'une façon générale, d'ailleurs, on voit d'ailleurs ces nouveaux acteurs qui, généralement, après avoir développé une première génération de capacités, les font évoluer pour prendre en compte le fait que, ben, finalement, être tiré n'importe comment en profitant d'un tir gratuit, c'était peut-être bien au début, mais finalement, c'est peut-être pas optimal par rapport au business qu'il y a à faire. Et donc, eh bien, finalement, ils montent en gamme, ils montent en compétences, ils montent en connaissances. Et ils redeviennent, quelque part, des acteurs comme les autres. Et le point important, c'est de ne pas oublier que dans le spatial, vous êtes interdépendant. C'est-à-dire que si, suite à une série d'accidents, vous avez multiplié les débris sur une orbite, ça va gêner tout le monde, absolument tout le monde. Donc ça vous rend tout de suite co-responsable, quand même, beaucoup plus, parce que vous-même, vous n'échapperez pas au problème. Et la difficulté aujourd'hui, alors on parle beaucoup du risque d'explosion, donc de débris qui entraînent la chaîne de débris, etc. Bon, très bien. En fait, au final, alors que le nombre de satellites a beaucoup augmenté, on n'a pas beaucoup plus de débris parce qu'on a appris à beaucoup mieux contrôler, ne serait-ce que les ouvertures de coiffe et le reste. Mais enfin, à terme, c'est clair que la solution aujourd'hui n'est pas satisfaisante, d'autant plus que, pour encore un certain temps, la responsabilité dans l'espace en cas d'accident, c'est la responsabilité des États lanceurs. Donc aujourd'hui, si vous avez des problèmes avec des satellites qui retombent et qui détruisent malheureusement un bout de ville ou quelque chose, parce qu'on peut aussi quand même imaginer que ce genre de scénario catastrophe se produise, et bien effectivement, c'est l'État lanceur qui est responsable et c'est sûrement pas le privé qui a, en l'état actuel des choses, à lancer le satellite en question. Malheureusement, il y a 7 astronautes qui sont revenus dans l'espace et vous savez qu'ils se sont volatilisés dans l'espace et qu'ils sont morts. Et je pensais que justement, tous les satellites qui rentraient dans l'espace, ils pouvaient se volatiliser en même, la même chose et redevenir poussière. Effectivement, vous avez parlé de la rentrée du satellite chinois, là, qui effectivement a posé problème et qui ne s'est pas... pour finir, il s'est bien scratché dans la mer. Mais je pense qu'il y a quand même une autre problématique, comme on dit dans le langage moderne, qu'on pourrait volatiliser et redevenir poussière avant qu'il rentre dans l'espace. Et que ça serait la solution. Alors effectivement, c'est une solution qui est investiguée. Ça fait partie, je dirais, du développement sur de nouveaux matériaux pour faire en sorte que les satellites puissent éventuellement se sublimer. Et donc là, on est sur des développements qui sont tout à fait novateurs. Et futuristes. Mais qui sont très intéressants. On va poursuivre. Là, on a quand même parlé de cette question de la responsabilité. On parle de ces sujets éthiques. J'aimerais bien qu'on vienne justement à ce forum que vous avez créé, qui s'appelle Spacible, où on parle de prospective, donc on imagine les futurs possibles, les futurs souhaitables, et puis là, il s'agit évidemment d'imaginer, ou de réfléchir en tout cas, à effectivement ce qui est souhaitable et quel garde-fou essayer de mettre pour essayer de diriger les choses. Vous voulez nous dire un mot de Spacible ? Alors c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est parce original, que, hein. Alors d'abord la prospective dans le domaine spatial, ça fait longtemps qu'on en fait. En fait, on en fait depuis toujours. On fait surtout de la prospective dans le domaine spatial et avec les acteurs du spatial. Prospective scientifique, prospective technologique. Je dirais la nouveauté avec cet observatoire de prospective spatiale, c'est la volonté de s'ouvrir largement vers l'extérieur. Tout d'abord, en tant que citoyen, aujourd'hui, nous faisons le constat, je pense tous les jours, de voir qu'il se passe énormément de choses dans tout un tas de domaines variés. Et donc, que se passe-t-il dans ces domaines ? Quels sont ceux dont nous pourrions, nous, gens du spatial, tirer parti ? Et réciproquement, comme le spatial s'est beaucoup démocratisé et très utilisé dans un tas de domaines, qu'est-ce que le spatial pourrait apporter aussi à ces différents domaines ? Donc, nous ressentons tous le besoin face à cette accélération que nous voyons, qui de l'évolution de l'électronique, des capacités de calcul, du développement de l'intelligence artificielle, de la robotique, mais aussi des biotech. Enfin, les domaines sont vraiment très, très variés. Essayons de prendre un moment pour nous poser et réfléchir un petit peu ensemble à qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont ces dynamiques à l'œuvre, quels sont les impacts sur nos écosystèmes respectifs, et voir un petit peu, comme vous le disiez, parmi tous ces futurs possibles, nous autoriser aussi à réfléchir un peu en dehors du cadre, parce que en tant qu'agence, nos activités sont quand même très, très encadrées. Nous avons des feuilles de route. Développer des technologies, ça prend déjà plusieurs années, des dizaines d'années. Développer une mission spatiale, ça prend aussi des dizaines d'années. Donc au-delà de cet horizon programmatique des 10, 20 ans qui sont devant nous, essayons de réfléchir un petit peu en dehors du cadre. D'une part pour libérer nos imaginaires, pour nous autoriser à regarder des choses que nous ne serions pas forcément autorisés dans le cadre de nos programmatiques classiques. Et puis madame parlait de rêve, oui, il faut aussi nous autoriser à rêver, à penser à des choses peut-être très futuristes. Et d'ailleurs, dans Spacible, nous avons aussi bien des gens des transports, de l'énergie, voilà, de l'agroalimentaire, que des gens de la science-fiction aussi. La dernière page, on a donc c'est 120 personnes, 60 organismes, un tiers du spatial, deux tiers qui viennent d'autres domaines que le spatial. On voit d'ailleurs le camembert qui indique de quel secteur ils viennent. Et donc, il y a aussi des auteurs. Donc, voilà, il y a du monde. Nous avons des auteurs gens de l'assurance, voilà. de la recherche, de la santé, des universités. l'actualité, de l'énergie, de l'entertainment aussi. Absolument. Mais c'est qui, qu'est-ce qui vient d'entertainment? Eh bien, nous avons des gens des jeux vidéo, nous avons qui viennent réfléchir avec vous. Absolument, ouais. Qui sont très intéressés parce que justement, ils prennent aussi de l'inspiration, ils viennent aussi valider certaines idées. Et donc, c'est vraiment, on parle de gagnant-gagnant. Hein. Voilà, on est dans quelque chose de tout à fait collaboratif, ouvert et mutuellement satisfaisant. Et donc, bien, nous avons décidé ensemble de définir nos axes de travail. Donc, nous réfléchissons autour de quatre axes. Le premier, on parlait d'espace pour la Terre. Eh bien, c'est besoin d'espace de nos sociétés futures. Voilà, donc là, nous avons un premier sujet qui est climat, espace et territoire qui a démarré. Un deuxième axe qui est, on parlait de développement de l'espace, de l'économie de l'espace dans l'espace. Eh bien, nous avons un deuxième axe qui est vivre et produire dans l'espace, avec deux ateliers qui ont démarré, un qui est vivre au quotidien et l'autre qui est énergie, ressources et industrialisation. Un troisième axe, on en a parlé également, qui concerne les enjeux éthiques et juridiques de la conquête spatiale, parce que nous estimons que c'est un élément majeur. Tout ne se fera pas juste par décision, il faut aussi qu'il y ait une véritable acceptation. Et là, je dirais, le CNES ouvre sa communication, qui auparavant était assez, je dirais, descendante, l'ouvre beaucoup plus à la discussion. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons là un très bel exemple. Ça fait déjà des années que ces mardis de l'espace existent. Et j'en félicite d'ailleurs les collègues de la communication qui, très tôt, ont lancé cette initiative d'ouvrir effectivement, d'entrer en dialogue avec vous, avec nous tous, finalement. Et donc, c'est ce que nous essayons aussi de faire dans Spaceim. Nous avons d'ailleurs fait un premier atelier à l'occasion du Toulouse Space Show qui s'est tenu en juin de cette année, où nous avons mis en débat publiquement la question, ben voilà, jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour la conquête spatiale. Et donc, nous avons réfléchi autour de plusieurs scénarios. Et le dernier axe, eh bien, c'est aussi l'évolution du rôle des agences, avec l'évolution peut-être de nos compétences vers de nouveaux métiers, qui de la prospective et qui de notre transformation interne. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez sur le slide, eh bien, nous sommes partis avec 36 organismes il y a un an. Nous sommes 60 actuellement, avec 120 personnes qui sont réellement impliquées, puisqu'on a une bonne vingtaine de personnes par atelier. Donc on est là sur quelque chose de très dynamique et des gens qui souhaitent nous rejoindre. Donc on a fait ce petit point sur Spaceim. Oui, il y a quand même un sujet. Je voulais dire que ça marchait aussi dans l'autre sens. Et moi, je suis très étonnée de voir que... Alors, il y a peut-être un effet Thomas Pesquet et un effet médiatique où on a beaucoup réactivé cet intérêt pour l'espace. Mais vous avez maintenant des designers, par exemple, qui, parmi leurs sujets, reconsidèrent... On avait eu les villes de l'espace de O'Neill dans les années 70. Villes de l'espace. Oui, alors ça, c'était un bouquin très connu de O'Neill dans lequel, justement, il se posait la question de comment l'espace pouvait faire vivre l'espace, etc., etc. Et bon, après, les technos et les problèmes étant à peu près les mêmes, les solutions qui sont proposées sont différentes sur le plan de la façon dont on les conçoit, mais le grand principe reste à peu près toujours le même. Mais ce qui est très étonnant, c'est de voir aujourd'hui des designers qui vont m'inviter, par exemple, pour me demander de parler de l'occupation de l'espace, parce que eux se voient bien commencer à imaginer des projets dans l'espace. Et à l'inverse d'avant, où c'était les agences qui allaient solliciter les gens, là maintenant, vous avez effectivement une diffusion suffisamment importante de l'idée de l'espace, c'est ça, qui fait que voilà. Et puis bon, vous pourriez parler de la même façon du tourisme spatial, puisque on a eu le vol de Virgin récemment, bon, qui pose plein d'autres Virgin questions. Virgin Galactic, hein. Voilà. Donc c'est un avion spatial qui était jusqu'à 80 km d'altitude, mais qui n'a pas autant, n'a pas fait une orbite et n'a pas... Enfin, c'est un super vol parabolique. Mais, mais c'est intéressant parce que là encore, on revient sur cette idée du tourisme spatial. Et en même temps, si les gens payent 250 000 dollars, parce que je crois que c'est le prix du siège, c'est pas pour, à mon sens, voir la Terre pendant, je sais pas combien ça dure, mais pas très longtemps. 7 minutes. Mais c'est plutôt parce qu'ils font partie d'une catégorie exceptionnelle de gens, ceux qui sont sortis de la Terre. Et c'est ça, en fait, la vraie motivation. Il y a quand même un sujet essentiel qu'on n'a pas abordé. C'est ce qui fait la couverture. Hein. C'est une image qu'on a récupérée de l'Agence spatiale européenne. Conquête de l'espace jusqu'où, mais voilà, vous voyez, c'est une image de l'Agence spatiale européenne, et là, on est sur Mars. On est sur Mars. Si on tourne quelques pages, vous voyez, page 4, On a cette idée de l'Agence spatiale européenne de créer même une base lunaire en impression 3D. Donc vous voyez en bas à gauche une sorte de robot qui serait capable de récupérer des matériaux lunaires pour les agglomérer et puis fabriquer la base spatiale que vous voyez en bas à droite, qui serait semi-enterrée. Et puis à droite, là, vous avez des choses tout à fait grandioses de SpaceX avec la Big Falcon Rocket qui est là. Donc c'est le lanceur très lourd sur lequel SpaceX est en train de travailler. Et on voit là, il y a carrément trois BFR, trois Big Falcon Rockets qui sont installés. On voit une base spatiale vers l'arrière. Donc on reparle de Mars. C'est plus seulement la NASA, là, c'est l'Agence spatiale européenne qui s'y met. Ce sont des industriels comme Elon Musk et qui lui dit carrément, si on veut, on peut le faire, on peut y être dans 7 ans. Hein. Oui, mais il ne garantit pas le retour. Hein. Lui-même propose. Et il ne garantit pas le retour. On peut y aller. Pas. Il dit j'ai 60. Lui-même propose d'y aller. Il dit qu'il se voit même y mourir. Je pense que les actionnaires la Tesla sont d'accord pour y envoyer. Ils aimeraient. En ce moment. Il y a des difficultés qu'il a en bourse. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont partants pour l'envoyer. Et il dit, mais j'ai 70% de chance de revenir. Oui, c'est vraiment optimiste. Hein. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet engouement à nouveau de l'homme et de la femme sur Mars? C'est pas nouveau, c'est de la com. C'est non, bien sûr. Bien sûr. Mais que ce soit quand même des industriels qui en parlent, si, non? Alors ça, c'est effectivement nouveau. Ça veut dire quand même qu'il y a aussi des gens qui ont envie d'espace. Et c'est vrai que toute cette population de milliardaires de la Silicon Valley, que ce soit Musk, que ce soit Bezos, que ce soit aussi Peter Diamandis, il y avait aussi le regretté Paul Allen, sont des gens qui ont envie d'espace. Et ils ont envie de mettre leur argent, leur fortune, dans la réalisation de ce rêve. Et bon, c'est dommage que nous n'ayons pas ce genre de personnages en Europe. Ça serait tout à fait stimulant. Mais en tout cas, c'est vrai que ces gens-là, je dirais, relancent une certaine idée, effectivement, une certaine idée de l'accessibilité de l'espace et en tout cas font beaucoup d'efforts pour y parvenir. Alors, c'est vrai qu'on réfléchit effectivement à de l'habitat. Il faut regarder effectivement quelles sont les contraintes. Hein. Je veux dire, une fois qu'on est sorti de la Terre, qu'on échappe aux anneaux de Van Allen qui nous protège, eh bien, on est soumis effectivement à tout ce qui est de vent cosmique, d'ions et de radiation. Donc, on est là dans un domaine particulièrement hostile. C'est vrai qu'on envisage plutôt de s'enterrer, que ce soit sur la Lune ou sur Mars. Malgré tout, on imagine des dômes protecteurs. Donc là, je veux dire, on rivalise aussi d'imagination pour envisager des habitats qui seraient malgré tout agréables et vivables. Et puis, il y a aussi des projets. Je fais référence à la Fondation Jacques Rougerie qui, tous les ans, eh bien, lance quand même un défi avec une remise de prix, une sélection de projets innovants pour l'espace, mais aussi pour le domaine sous-marin. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a une certaine analogie entre ces deux espaces, cet espace maritime et cet espace spatial, où les gens n'hésitent pas à imaginer des transpositions d'architecture, qui parfois aussi de droit d'ailleurs, entre ces deux domaines. Et donc là, on a des projets tout à fait originaux. Et on voit, comme je disais tout à l'heure, que les gens réfléchissent effectivement à utiliser l'espace pour l'espace. Donc on est sur des projets où on essaie de réutiliser habilement la poussière lunaire, qui des ressources directement sur la Lune pour arriver à s'établir de façon durable. Voilà, donc là, on est sur des modèles où, au départ, on amène effectivement les premières infrastructures, on crée des spatioports parce que, mine de rien, ben, se poser et mettre de la poussière lunaire partout, c'est quand même un problème après pour faire nos petites affaires. Donc, vous nous avez proposé effectivement des slides tout à fait intéressantes. Je crois que dans mon bureau, j'ai la même en version chinoise, où c'est plutôt sous forme de bande dessinée. En fait, ce sont les Américains qui essaient de convaincre le Congrès américain que les Chinois ont bien l'intention d'aller s'installer sur la Lune. Et donc, pour ça, vous avez une petite caricature où on voit un spatioport chinois avec, eh bien, vous vous posez sur la Lune, merci de payer la taxe. Et donc, les gens du Congrès de dire, bah, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Donc, en fait, il fallait y retourner les premiers. Donc, il y a effectivement certains enjeux pour retourner sur la Lune ou pour aller sur Mars. On n'ira pas n'importe où. Je pense qu'effectivement, il va y avoir une certaine sélection, essayer de se rapprocher des endroits les plus intéressants en matière de ressources. Et là, j'avoue que, assez surprenamment, J'ai découvert, pour avoir participé à un colloque au Luxembourg sur les ressources spatiales, qu'en fait, il commence à y avoir des cartographies, notamment de la Lune et des ressources sur Mars, mais finalement, on a encore une assez mauvaise idée de ce que sont ces ressources et puis de la qualité aussi de ces ressources. Et ça, ouais, ça des ressources minières, en l'occurrence. Des ressources minières ou de l'eau. Et on est malgré tout sur des ressources qui sont des ressources fossiles, donc des ressources en quantité limitée, malgré tout. Donc, je dis, imaginez faire une extraction, une exploitation de ces ressources de façon un peu sauvage. Vous parliez du Far West. Je pense qu'il faut peut-être faire attention. Et c'est pour ça que le modèle européen est plus effectivement dans une notion un peu plus d'humanité, de développement durable et d'exploitation durable de ces ressources. Donc, à voir effectivement ce que ça donnera. Mais gardez bien en tête effectivement que si aujourd'hui les gens s'intéressent à ces ressources, on en a quand même encore, je dirais, une assez mauvaise connaissance, même si des missions ont commencé à cartographier, même si on fait des relevés, même si on est en train de développer des bijoux de technologie pour arriver aussi à forer et à se faire une véritable idée de la quantité et de la qualité de ces ressources. C'est beau, ça. Quand j'avais 20 ans, j'allais chez Virgin pour me faire des frissons. Je piquais des disques. Pas bien ça. Aujourd'hui, je suis d'une exigence fine, et chez Virgin, si je vole, c'est en parabolique, en vol parabolique. Vous avez compris le jeu de mots avec le vol? Ah ouais, alors le magasin Virgin. J'ai compris le jeu de mots, et tu sais que c'est le même Virgin. Et je sais. Ah bah oui, bien sûr. Hein, le Virgin des Champs-Élysées, c'était le Virgin galactique de... C'est celui qui n'a pas été ruiné par tous les disques qui ont été volés. Ah oui, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et donc Richard Branson, qui est à la tête de l'Empire Virgin, c'est celui aussi qui a créé Virgin Galactique pour faire un peu de tourisme spatial. Juste avant de repasser la parole à Michel, parce que Michel il n'a pas fini. Donc il y a deux modèles, vous diriez. Il y a ce modèle américain, peut-être, qui est business, allez, on fonce, puis on verra après s'il y a des problèmes. Et un modèle européen qui se veut peut-être un peu plus développement durable, un peu plus raisonnable. Mais alors en même temps, on reconnaît... On imagine toutes les critiques qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce modèle européen. Ah là là, ça y est, l'européen, vous empêchez le business, vous mettez des normes, vous mettez des règles. Et donc, il y a des vertus et des inconvénients aux deux modèles ? Comme toujours, bien évidemment. Je dirais, le fait de déréguler favorise et facilite l'accès. Après, bon, encore faut-il malgré tout trouver aussi le business model qui va faire que l'activité va être rentable. Parce que bon, c'est quand même beaucoup d'efforts, c'est quand même beaucoup d'investissements, c'est quand même beaucoup de développement et de risques pris pour finalement quoi ? Donc, c'est vrai que le côté européen, nous avons une vision un petit peu différente. D'abord, parlions tout à l'heure effectivement de l'appropriation des corps célestes. Il y a quand même un certain nombre de traités pour empêcher cette appropriation. Ces biens sont identifiés comme des biens communs de l'humanité. Aujourd'hui, encore, les spationautes qui vont dans l'espace sont des ambassadeurs de l'humanité. On peut se poser la question, effectivement, si d'ici quelques années, comme l'imagine United Launch Alliance, qui est une des grandes associations américaines de promotion du spatial, qui imagine d'ici 30 ans qu'il pourrait y avoir 1000 personnes en permanence dans l'espace... On imagine, en train de travailler. Hein, en train de travailler. Cette économie de l'espace, voilà, cette nouvelle économie de l'espace dont vous parlez. Ouais. Donc là, je veux dire, on a un statut qui change et on arrive à un statut du travailleur dans l'espace. C'est-à-dire que l'astronaute n'est plus un ambassadeur de l'humanité, mais c'est un travailleur avec un salarié, avec un salaire, aujourd'hui, risques professionnels. Oui, aujourd'hui, ce sont des héros. Ce sont des héros, donc là on est sur un statut qui se démocratise et qui change de façon drastique. Oui, et en même temps, ce sont des ambassadeurs de l'humanité, mais sur Apollo, la première chose que fait l'ambassadeur de l'humanité, c'est quand même de planter un drapeau américain. Donc c'est une humanité qui est quand même un peu réduite. Alors je sais bien que la destinée manifeste et le reste, c'est consubstantiel à la culture américaine, mais quand même. Quand les. Alors là, c'était pas les hommes, mais enfin, la première fois que les Soviétiques ont fait toucher à une sonde le sol lunaire, ils ont fait répandre des pièces avec la faucille et le marteau. Donc, si vous voulez, et il y a un autre exemple qui est excellent, je trouve, c'est que vous changez le nom de la personne ambassadeur de l'humanité selon sa nationalité. C'est-à-dire que les Américains ont des astronautes, les Chinois ont des taïkonautes, voire des yuan-yuan, parce qu'eux, ils poussent quand même la sophistication jusqu'à avoir deux noms différents selon que vous êtes en train de parler à la communauté extérieure. Donc, quelque chose qui est construit sur la racine grecque nauta et naota et qui donc fonctionne. Et puis le mot chinois à proprement parler qui veut dire la même chose. Non, taïkonote, c'est le côté anglais, et l'autre, yuan-yuan, c'est le côté navigateur de l'espace complètement chinois. Vous avez les Indiens qui ne savent pas très bien de quoi il va parler. Alors, on avait les gaganotes à un moment, mais c'est quand même pas terrible. Enfin, bon, je ne sais pas si ça va rester. Vous avez donc les Russes qui sont des cosmonautes. À une époque, à la grande époque où l'Europe prétendait à une autonomie, on avait inventé le spationaute. Et donc tout ça, si vous voulez, ça donne quand même une bonne idée. Alors après, c'est vrai que vous avez des accords internationaux qui disent que tout astronaute slash tout le reste qui rentrerait en catastrophe sur Terre est habilité à se poser sans demande d'autorisation préalable sur un certain nombre de lieux qui existent sur la Terre entière et qui sont considérés comme réservés. Donc ça, effectivement, ça a été un élément qui a été pris en compte. La difficulté sur tout ça, je dirais, c'est... quel est le statut du héros? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la station spatiale, les spationautes sont exclusivement des héros, sachant qu'ils sont aussi des cobayes, puisque l'intérêt, c'est de savoir comment l'homme réagit à la vie dans l'espace, et que donc une grosse partie de l'activité de l'astronaute, c'est aussi de tester sur son propre corps et ensuite de revoir quand il revient au sol, au travers de tous les examens médicaux, comment l'homme a supporté toutes les inconvénients de la vie dans l'espace. Donc ce sont des statuts très, très ambigus. Je commence par un petit commentaire sur ce que vous venez de dire. Je crois qu'au départ, le mot cosmonaute est apparu avec Gagarine parce qu'il allait dans le cosmos, mais qu'il n'était pas encore capable d'aller plus loin que l'orbite terrestre. Les Américains, dès le début, ont visé la Lune parce que c'était le moyen de rattraper les Russes. Donc, le mot astronaute leur permettait de se distinguer. Et le programme Gemini, c'était déjà des astronautes, hein, parce qu'en anglais, on dit astronautics. Donc, il y a la promesse de Kennedy qui est en 61. Ah oui, c'est après. Mais dès 58, vous avez... ils ont toujours parlé de programme d'astronautique. D'ailleurs, la NASA, c'est aéronautique et astronautique. Oui, d'accord. Et ensuite, comme les Européens ne voulaient se brouiller ni avec les Russes ni les Américains, ils ont eu l'idée de créer un mot neutre entre les deux, d'où spationautes, et puis les autres pays, du coup, jouent à la même chose. Et le drapeau, c'est un peu aussi comme les premiers alpinistes qui ont été sur un sommet mettent un drapeau. Ça ne veut pas dire que le pays de ce bonhomme s'attribue la propriété, évidemment, mais c'est plus en tant que symbole. Je voulais surtout revenir à la plaquette qu'on a eue. Et il y a deux images qui excite ma curiosité, disons. Celle qui est page 5, où on voit cette base de lancement absolument somptueuse, avec un éclairage, on se croirait presque à Las Vegas. Et je vais pas insister sur là-dessus, mais on sent que c'est du commercial plutôt que du scientifique, là, l'utilité de ce papier. Après, les dessins d'artistes, ça a toujours existé. Vous prenez Werner von Braun avant même le premier lancement et tous les magazines Collier et tout le reste. Mais alors, celle qui me préoccupe le plus, c'est celle de la page 3, où on voit cette espèce de petit, je ne sais pas gros comment il est, mais par rapport à sa remorque, c'est pas très gros, satellite muni de panneaux solaires et qui essaye de tirer un énorme... Alors, je ne sais pas si c'est un tas de charbon qu'il a puisé quelque part ou si c'est un astéroïde qui rapporte. Et je suis un peu inquiet sur la puissance nécessaire pour déplacer ce machin-là, ce qu'il va en faire, comment ça va freiner à l'arrivée, etc. Là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est difficile à faire passer, je trouve. Effectivement, là, on est quand même un petit peu dans le domaine, on va dire, de la projection mentale. L'idée serait effectivement d'attraper des astéroïdes pour les amener. Alors, la question, c'est où, déjà, effectivement. Comment? Voilà. Alors, comment? Bon, là, après, on va dire qu'on pourrait imaginer des systèmes de propulsion assez évolués. Le panneau solaire, effectivement, est peut-être un petit peu... insuffisant, je dirais. Oui, ça risque d'être un petit peu léger. On peut peut-être, je ne sais pas, il faudrait voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut imaginer. Alors, comme besoin de propulsion pour arriver à faire bouger ce genre de choses. Mais néanmoins, la question, c'est effectivement où est-ce qu'on emmène ce genre d'objet? Bon, l'amener sur Terre, je pense qu'il vaut mieux éviter, parce que je crois que ça n'a pas fait du bien aux dinosaures. Par contre, l'amener peut-être dans une station où on le mettrait on le soumettrait à des feux concentrés, effectivement, pour le coup de concentrateurs solaires qui permettraient de faire évaporer une bonne partie, de sublimer une partie de ce qu'il contiendrait pour ensuite le capter, remplir des réservoirs et puis mais rien que vendre faire, ces réserves. On peut imaginer rien un tas faire de petites choses. Manœuvres, les panneaux solaires pourraient alimenter un moteur ionique éventuellement. Mais ce n'est pas très puissant. Donc, quand il faut freiner à l'arrivée sur la Lune ou une orbite quelque part, il va y avoir du boulot. C'est pour ça que je dirais aujourd'hui, effectivement, ce genre de concept est intéressant. Ça pose tout un tas de questions. D'abord, il y a la question, effectivement, du rendez-vous avec le corps céleste. Bon, on a montré, je crois, récemment qu'on arrivait à se poser sur des comètes. Donc, on arrive effectivement à maîtriser, malgré tout, ce genre de rendez-vous. Là, il s'agit non seulement d'arriver à attraper un objet, mais ensuite, effectivement, arriver à le faire dévier de sa route. Il faut arriver à le piloter d'une certaine façon. Donc là, on est sur des développements technologiques qui sont encore à inventer. Et l'intérêt de la chose à trouver, quand même, hein. C'est-à-dire, quel est le rapport coût-efficacité, compétences technologiques, réutilisation, qui reste assez mystérieux en l'état actuel des choses. Après, est-ce que le solaire suffira pour sera une source d'énergie suffisante pour ça? Peut-être pas. Les gens parlent effectivement d'utiliser de l'énergie nucléaire, qui pour forer, qui pour se déplacer. Bon, c'est pas forcément, je dirais, le type d'énergie nucléaire qu'on peut imaginer dans des grands réacteurs à fusion ou à fission, ce sont d'autres types d'énergie, mais ce sont des choses qui sont effectivement à l'étude. Alors, je posais cette question-là pas tellement pour qu'on me donne une réponse technique, parce que de toute façon, on n'est pas en état de faire, mais plus pour montrer le côté que j'estime un peu trompeur, pour ne pas dire malhonnête, de tout ce genre de documents. En général, je ne vise pas celui-là, mais je le trouve emblématique d'une vision tout à fait idéalisée des problèmes, et qui amène les gens à se dire « Ah, mais oui, peut-être que si on n'a plus de pétrole, on pourra en trouver sur la Lune ou je ne sais pas quoi. » Ce qui m'étonnerait, d'ailleurs, sur la Lune, du pétrole. Oui, tout à fait. C'est de la pure communication. Alors, je n'ai rien contre la communication quand elle est honnête, mais là, je la trouve quelque peu tendancieuse. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas... Enfin, c'est aussi un faux procès, parce que si vous repreniez les années 50 et tout ce qui était imaginé aux États-Unis dans les années 50 et qui parlait de la conquête de la Lune, de la conquête de Mars, etc., ça pouvait paraître comme ça totalement. Et de fait, il y a eu la mission Apollo. Donc, je pense que c'est aussi une façon d'initier les gens et d'ouvrir les gens à une réflexion qui dépasse... l'avenir proche. Et bon, bien évidemment, ça s'appelle des vues d'artistes, c'est de la com, ce sont des affiches. Derrière, y a de la réalisation et puis il y a de l'investissement à faire et de la technologie, la et c'est autre chose. La vue d'artiste, elle peut être un peu réaliste. Et c'est vrai que là... Mais les vues d'artistes sont, dans le spatial, sont très rarement réalistes. Enfin, je veux dire, vous pourriez regarder des tas de dessins qui sont faits sur la Lune, etc., et qui ne sont pas beaucoup plus réalistes non plus et qui ont aussi pour but d'être jolis, hein. Et si vous allez par là, il y a l'éclairage de la Mars base alpha. Il m'interpelle pas mal. Hein. C'est joli. Moi, ça me fait penser à une série que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune, qui s'appelait Cosmos 1999. Je m'en souviens. Ah, ça, c'est... Voilà. ça révèle mon âge. Ça, c'est encore autre chose. Pour ceux qui savent compter. Et là, effectivement, bon, je veux dire, si on prend ce graphique, c'est très joli. Là aussi, on est sur quelque chose de complètement mis en scène, idéalisé, avec d'ailleurs une étoile, un soleil là, qui a l'air de briller quand même assez fortement. je ne suis pas sûre que mes collègues astrophysiciens seraient d'accord. Et surtout, ils te diraient que j'ai appris que le coucher de soleil sur Mars, effectivement, il est bleu et que le ciel est rouge. Donc là, tu as un coucher de soleil martien, théoriquement. Voilà, Alors, on est encore avec Isabelle Sourbès-Verger et Muriel Lafaille pendant une vingtaine de minutes. Il faut profiter d'elles, hein, de leur présence. Et on a une question, justement, monsieur. Oui, bonsoir. Non, c'est juste pour revenir sur cette fameuse Mars base alpha sur la page 5. Si on passe ces belles fusées et cette belle demi-sphère éclairée, l'image du fond avec les montagnes et le soleil est une vraie photo prise par MSL, donc le rover Curiosity, en 2015. Donc c'est vraiment un coucher de soleil de Mars vu par une caméra sur Mars. Merci, monsieur. D'autres interventions, peut-être ? Il y a un sujet qui est celui qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la militarisation de l'espace. Alors, on a le président des États-Unis actuel, Donald Trump, qui a annoncé, je crois, pour 2020, la création d'un corps d'armée spécifique à l'espace, à côté des armées de terre, d'air et de mer. Est-ce que ça a un sens quelconque ? Et surtout, est-ce que quand même on va vers une sorte de militarisation de l'espace ? C'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut la définir, mais au moins pas le fait qu'on aurait dans l'espace des moyens d'attaque, de défense. D'ailleurs, il y en a peut-être déjà. Mais est-ce que vous voyez un mouvement dans cette direction ? Isabelle Sourbès-Verger ? Déjà, les troupes spatiales, il ne dit pas où elles seront situées. Hein. Si ça tombe, elles seront dans le Colorado. Hein. Et elles auront juste comme mission plus spécifique d'assurer la protection de l'espace. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir des cow-boys qui vont se balader à bord d'avions spatiaux. Non. Voilà. Donc, c'est. Oui, peut-être. Ou peut-être pas. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la militarisation de l'espace, ça a toujours existé, au sens où vous avez toujours eu des satellites militaires qui ont été envoyés dans l'espace et qui aident à développer les capacités militaires opérationnelles des États. Et il y a un moment, il faudra bien parler argent, mais je sais que c'est un peu plat et autre, mais si vous regardez les budgets américains là, qui sont à la page, enfin les budgets tout court, qui sont à la page 9, on peut y aller, la page 9. Et passionnant ce graphique. Vous apercevez que, effectivement, avec des budgets de l'ordre de 40 milliards de dollars, donc plus de la moitié. Attendez, parce que là, on est page 9. Donc vous avez un rond qui est un petit peu mauve, oui, c'est ça, et qui représente les budgets. Un budget, donc vous avez l'échelle à côté, un budget de cette taille-là, ça fait à peu près 40 milliards de dollars, on va dire 38 aux États-Unis. Hein, 40 milliards de dollars par an. Donc plus de la moitié est représentée par le budget militaire, du spatial militaire. Et donc là encore, quand Muriel parle de technologies sur étagère, les technologies sur étagère, elles sont là-dedans. D'ailleurs, quand même, pour qu'on mesure bien ce que pouvait être le spatial militaire américain, y compris dans les années 70, quand on a fait le premier satellite d'observation de la Terre qui s'appelait Landsat, les caméras qu'a utilisé Landsat pour cartographier la Terre étaient les caméras que la NASA avait développées pour cartographier la Lune, parce que le département de la défense américain qui, lui, cartographier de très près la Terre et en particulier l'Union soviétique, parce qu'on était en pleine guerre froide et qu'il y avait un enjeu militaire et opérationnel évident, les caméras qu'il utilisait, il a absolument refusé de donner les technologies à la NASA pour qu'elle puisse les utiliser pour regarder la Terre. Donc vous avez cette espèce de nature militaire de l'espace américain qui est totalement pérenne, qui existe depuis le début. Sauf qu'aux États-Unis, ils ont toujours fait deux programmes spatiaux. Ça vous donne aussi une idée de la raison pour laquelle à la fois ils ont autant d'argent et après ils ont autant de capacités. Vous avez le programme civil d'un côté, la NASA, et vous avez les programmes militaires de l'autre, avec le DOD. Et donc, c'est à l'intérieur du DOD que... Le DOD, c'est le département de la défense. Le département de la défense que Trump adorerait sortir des forces aériennes, les gens qui travaillent spécialement sur le spatial. Sauf que l'Air Force, elle n'a pas du tout envie, ni en termes de prestige, ni en termes d'argent, ni en termes d'effectifs, de voir partir les Space Troops. Bon. On se demande un peu que le sens que ça, parce que des militaires qui donc s'occupent d'espace, ça existe déjà, ils sont dans l'US Air Force. Force. Donc il s'agirait juste de faire corps extérieur à l'US Air Force. Oui, alors en fait, il existe. Un sens quelconque au-delà du symbole. En fait, c'est assez compliqué. Le système américain n'avait pas de troupes dédiées, enfin de forces dédiées au spatial. Là où le système russe et le système chinois en ont. Le système chinois depuis peu, le système russe depuis toujours. Mais c'est parce que l'organisation est différente. C'est-à-dire que les Russes, les Soviétiques ont toujours fusionné la défense anti-aérienne et les militaires en charge des lancements, puisque ce sont les militaires qui sont responsables des lancements. Et donc, du coup, ils ont créé des troupes spatiales qui se subdivisent ou ne se subdivisent pas. Enfin, c'est visiblement du bricolage administratif. Hein. Ça n'a pas de signification opérationnelle et stratégique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde les budgets, eh bien évidemment, aujourd'hui, les États-Unis, ils n'ont pas dépensé tant d'argent dans l'espace, parce que là, c'est un état des lieux, une année particulière, mais faites un petit effort d'imagination et imaginez 60 ans d'investissement américain à cette hauteur-là, comparé à de l'investissement dans le reste du monde qui est plutôt plus bas. Donc là, vous avez un hiatus absolument monstrueux, d'où cette idée très naturelle pour les Américains que finalement, le milieu spatial, aujourd'hui, ils ont le droit de le contrôler. Et qu'ils ont les moyens de le contrôler, et qu'ils ont le droit de les contrôler, et que c'est parfaitement légitime, puisqu'ils sont les seuls à avoir autant investi et à savoir faire autant de choses de temps. Alors évidemment, le reste du monde a tendance à penser que ben non, c'est pas légitime du tout, mais eux, ils ont cette vision-là. Et la militarisation de l'espace, donc, elle n'est pas qu'offensive. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on comprend pas. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas que offensive, oui, bien sûr. Alors, y a une définition du droit spatial qui dit qu'on doit faire que des activités pacifiques. Alors, vous aviez au départ des pays comme l'Inde qui disaient « pacifique, ça exclut tout ce qui est militaire ». Ce à quoi les États-Unis répondaient, je suis désolé, quand vous avez des militaires après un tremblement de terre qui interviennent, ils sont complètement pacifiques. Donc il n'y a pas d'opposition civile, militaire, pacifique. Un militaire peut être pacifique. Bon, c'est une définition qui en vaut une autre. Hein. De toute façon, ça, c'est... vous posez la définition, donc à partir de là, vous continuez. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, deuxième niveau, on dit « Ah, mais les satellites ne sont pas directement offensifs ». Certes. Alors, quand vous avez un missile qui est guidé par un GPS et qui détruit une cible sur Terre, bon, le satellite, il n'y est pour rien. On est d'accord, il a juste guidé. Bon. Est-ce qu'on est vraiment d'accord, ouais, d'accord. Ben oui, au fait, d'accord, on est d'accord. Il n'est pas directement offensif, tout étant dans le mot... disons que c'est un outil et à ce titre, il sert à faire plein de choses. Mais en même temps, les premiers satellites d'observation de la Terre qui ont été lancés par les États-Unis visaient vraiment à cartographier le territoire de l'Union soviétique et en particulier à trouver où étaient les villes et les sites qu'on aurait pu éventuellement bombarder si une guerre avait dû reprendre. Donc c'était quand même pas particulièrement, on va dire, soft. Mais ce qui s'est produit, c'est que ces satellites ont d'un seul coup permis de déjouer ce fantasme américain qui était celui du missile gap, c'est-à-dire l'idée qu'en Union soviétique, il y avait des centaines de missiles qui étaient prêts, alors qu'aux États-Unis, il n'y en aurait pas eu. Et quand ces satellites ont observé le territoire de l'Union soviétique, ils se sont aperçus que ces missiles n'existaient pas. Et donc, du coup, on a eu la baisse qui était très nette dans les années 70, et c'est grâce aux satellites qu'on a pu signer les premiers accords de désarmement des missiles intercontinentaux, qui sont les accords SOLD de 72 et de 78. Donc, c'est très difficile, parce qu'en fait, le satellite, ça n'est jamais qu'un outil. Et donc, vous en faites ce que vous faites de tout outil. Alors, la militarisation de l'espace sur ce volet, on va dire que c'est fait, c'est acquis, tout le monde sait qu'elle existe et on ne va même plus en reparler, on ne reviendra plus dessus. La question que posent les Américains aujourd'hui, qui sont dans une drôle de situation, parce que ce sont les seuls qui ont vraiment besoin de leurs moyens spatiaux pour continuer à maintenir une hégémonie militaire, opérationnelle et économique, donc ça fait beaucoup, et que d'une certaine façon, ils sont les seuls à être dotés de moyens qui leur permettrait d'attaquer d'autres satellites dans l'espace, compte tenu de tout l'argent qu'ils ont dépensé et des programmes qu'ils ont. Ils sont les seuls à pouvoir détruire un satellite dans l'espace. C'est ceux qui sont les plus, dans l'espace, depuis l'espace, en termes de surveillance. Depuis un missile au sol, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Ils l'ont fait en 2007. Mais mener une guerre technologiquement fine et qui ne laisse pas trop de traces, les Américains en ont les capacités. Pas trop de traces, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire prendre, c'est ça? C'est mieux l'idée. Mais là où les Américains ont un gros avantage, c'est que, figurez-vous, les systèmes de surveillance surveillance de l'espace. Nous, les Européens, par exemple, on n'en a pas. Les systèmes de surveillance, pas très efficace, ouais. Bah, existent, mais... disons que pas vu, pas pris. Hein, ça, c'est ouais. En l'état actuel des choses. Bon, alors on envisage de le modifier, de l'arranger, etc. Et pour l'instant, on en est encore là. Les Russes en ont beaucoup moins que les Américains, et donc d'une certaine façon, ça fait une forme de stabilité puisque les Russes en ont. Les Chinois cherchent à en développer, ils sont loin d'avoir les moyens américains. Et donc, au final, si vous voulez, les Américains se trouvent dans une drôle situation où finalement, ils disent qu'ils vont peut-être un jour mettre des armes dans l'espace pour se doter des moyens de défendre leurs propres satellites. Et ce faisant, ils ouvrent la boîte de Pandore, puisque d'une certaine façon, ils donnent une forme de légitimité aux autres États pour mettre à leur tour des armes dans l'espace, qui est précisément ce que les Américains redoutent. Donc là, il y a une vraie, vraie difficulté qui avait été bien, bien identifiée par Obama, qui avait dit très clairement on va continuer à faire au sol, c'est-à-dire qu'on aura les moyens, mais on ne va pas les mettre dans l'espace, parce qu'à partir du moment où on les met dans l'espace, ben, les Chinois et les Russes sont prêts à le faire. Et donc, aujourd'hui, les deux puissances... Donc là, vous parlez de satellites offensifs, là, pour le coup. Je parle d'armes dans l'espace. D'armes dans l'espace, OK. Et les deux pays qui, depuis 2008, proposent régulièrement aux Nations Unies qu'on interdise les armes dans l'espace sont les Russes et les Chinois. Parce que tout simplement, ils sont très en retard par rapport aux Américains, que donc du coup, tout ce qui peut bloquer les Américains est bienvenu, et qu'en plus, eux, ils n'ont pas du tout besoin d'armes dans l'espace parce qu'ils n'ont pas les moyens spatiaux qu'ont les deux autres, enfin qu'ont les États-Unis. Peut-être qu'un jour, la Chine les aura, la Russie, c'est plus, on peut en douter davantage. Mais en tout cas, ils n'ont pas ce problème-là pour l'instant. Sauf que si les Américains franchissent le pas, ne serait-ce que pour le coup, pour leur propre sécurité, ils seront amenés à le franchir aussi et à aller dépenser de l'argent pour faire des armes spatiales dont ils n'ont pas besoin. Donc, vous êtes dans une situation assez absurde, quelque part, sur le fond, mais qui est aujourd'hui le fond de toute la problématique sur la guerre dans l'espace et qui explique aussi pourquoi cette guerre n'a pas eu lieu. Madame, une question. Madame, il y a quelque temps, un an ou deux ans, monsieur était là et menait les débats. On a eu deux généraux à votre place. Or, moi, j'avais un père, je dois le dire, ingénieur militaire, et c'était donc... Je suis né en 1943... Et mon père travaillait à Vernon pour les. Et De Gaulle, à cette époque-là, il y avait De Gaulle. Et De Gaulle, à cette époque-là, avec le V2, dont je dois dire Hitler avait eu le génie, avait vu toute l'importance de l'espace. Et à ce moment-là, j'ai posé aux généraux qui étaient là, j'ai dit Général, je voudrais savoir, Vernon, qu'est-ce que c'est devenu, etc. Parce que là, ils avaient fait venir des ingénieurs allemands qui travaillaient sur la V2 et qui. Oui, je pose la question. De Gaulle avait vu l'importance de l'espace et avait mis le programme des pierres précieuses, dont mon frère a précisé que ça s'appelait Diamant. Bon. La question est, vous parlez que des Américains, que des Russes, mais je vous signale que les généraux, quand je leur ai posé la question Vernon, qu'est-ce que c'était, ils m'ont dit, madame, stop secret. Or là, vous parlez que des Américains. Nous, on a eu une certaine importance. Alors, en fait, de toute façon, il est clair que le père de toute la balistique du XXe siècle, c'est le V2. Ça, tout le monde le sait bien. Parlez-en aux gens qui habitaient Londres, je crois qu'ils ne l'ont pas oublié. Le V2 était effectivement le premier missile. La différence entre le missile et le lanceur, c'est qu'un missile, il retombe sur Terre, un lanceur, il satellise un objet avec une vitesse d'injection particulière. Personne ne doute du rôle des Allemands, qui sont quand même très, très connus. Hein. On parlait allemand, paraît-il, à Amagir, qui était la première base d'où on a tiré en Algérie notre programme française. De pierres précieuses, la base française. C'est tout à fait certain. Aujourd'hui, je dirais que la question n'est plus tellement de qui a la maîtrise des capacités de lancement, parce que il y a tellement de moyens spatiaux disponibles que vous pouvez faire tirer vos satellites par à peu près tout le monde. Ce qui fait la grande différence, c'est le budget et les capacités que vous avez derrière. Et aujourd'hui, l'Allemagne, elle est membre de l'ESA comme la France, et elle a un petit programme national, mais voilà, qui est moins que le programme français. Alors par rapport, je dirais, à ce que fait la France, je pense qu'effectivement nous n'avons pas à rougir. La France est une grande puissance spatiale. Effectivement, le général de Gaulle a créé ce programme spatial. Le CNES a été créé en 1961. Je vous rappelle que le centre a été créé justement pour développer cet accès autonome à l'espace, les Américains ayant refusé de lancer un satellite de télécom, donc quelque part nous empêchant important effectivement de développer notre accès à la diffusion et à la maîtrise de l'information. Donc depuis 1961, effectivement, le Centre national d'études spatiales et tout l'écosystème spatial français a été largement développé avec de très belles réalisations. Et Isabelle tout à l'heure disait que les Américains mettent 40 milliards de dollars par an sur la table pour développer leur écosystème. Nous, c'est un petit peu plus modeste. Le budget du CNES est aux environs de 2,4 milliards. Voilà, dont une partie, effectivement, est la contribution de la France à l'Agence spatiale européenne et donc à un effort de coopération. Et ma foi, avec ce budget-là, eh bien, je crois que nous n'avons vraiment pas à rougir, puisque au fil du temps, nous avons quand même réussi à développer toute une filière d'accès à l'espace avec un opérateur commercial très tôt, Ariane, qui encore récemment était leader mondial, avec des opérateurs de satellites de télécom comme Eutelsat qui aussi sont très bien positionnés, avec des industriels comme Airbus et comme Thales Alenia Space qui sont également au tout premier rang mondiaux. Donc vous faites bien effectivement, madame, de soulever le sujet. La France, effectivement, n'a pas à rougir de ses réalisations, y compris de ses réalisations scientifiques, puisqu'encore récemment, il y a eu de très belles réalisations avec la mission SAIS sur InSight, qui est un succès avec d'autres réalisations aussi. En parlant peut-être en janvier, j'ai compris, donc de SIFOSAT, qui est une coopération aussi tout à fait remarquable et une avancée considérable dans la météorologie. Et après, le premier directeur du CNES était un militaire, le général Daubinière, qui prouvait bien effectivement la continuité qu'il y avait entre les compétences militaires et les compétences en France. Mais à partir du moment où il est devenu directeur du CNES, il s'est à peu près fâché avec le reste de l'établissement militaire et ça induit des relations compliquées parce qu'il a vraiment eu à cœur de développer un spatial indépendant et un spatial national qui ne dépend pas justement des forces militaires. On va se quitter dans quelques instants. Une dernière petite question quand même sur ce jusqu'où. On a compris que l'imagination était au pouvoir, qu'il y avait énormément de projets. Peut-être quelques chiens un peu tout fous aussi dans le domaine qui peuvent aussi fragiliser un certain nombre de choses. La ressource spatiale, elle est rare, par exemple. Si on détruit des orbites à cause de débris qui y seraient trop nombreux, on ne pourra plus y lancer. C'est certains le craignent, en tout cas, ce n'est qu'un exemple. Donc, quel garde-fou ? Est-ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas de police de l'espace, il faut qu'on se mette tous d'accord, on est tous co-responsables, mais en même temps, quand on voit ce qui se passe sur Terre avec la biodiversité qu'on massacre, on n'est pas non plus très... On ne fait pas forcément extraordinairement déjà attention à notre patrimoine là, dont on dispose. Alors, comment ça va se passer dans l'espace ? Alors, effectivement, je pense que déjà, nous sommes tous co-responsables de l'utilisation de l'espace. Il y a quand même un organisme international, le COPIOS, qui est là pour l'utilisation pacifique de l'espace. Le COPIOS. Qui est un organisme onusien. Et donc il y a effectivement là, je dirais, c'est une instance de dialogue et de réglementation internationale des bonnes pratiques. Donc je pense qu'il faut continuer à soutenir ce genre d'instance pour faire en sorte effectivement qu'il y ait un usage toujours commun et durable de cet espace, qu'on imagine aujourd'hui quelque part un peu comme la banlieue de la Terre. Certains parlent d'une Terre augmentée ou d'une banlieue terrestre. C'est dire quelque part que nous sommes en train aussi de nous approprier intellectuellement cet espace, au moins entre la Terre et la Lune. Néanmoins, comme vous l'avez vu, c'est vrai que, comme le faisait remarquer monsieur, certaines photos sont, alors je n'irai pas jusqu'à dire malhonnêtes, mais en tout cas un petit peu, je dirais, de la propagande malgré tout, pour essayer de véhiculer, de stimuler ces imaginaires, de nous faire penser qu'ils sont possibles, voire souhaitables. Mais là, je dirais, c'est tout notre travail, effectivement, et puis aussi votre réaction, de nous dire, effectivement, ce que vous aussi, en tant que citoyen, vous imaginez comme usage de l'espace. Et je pense que ce dialogue, il est initié déjà depuis un petit moment. En tout cas, nous souhaitons le faciliter, le stimuler, et puis que tout cela participe à une meilleure utilisation de ces ressources si un jour cela devait advenir. Alors, on se retrouve en janvier. Ça va, Xavier ? Tout va bien ? Une petite dernière, non ? Bien sûr, comment donc ? Pourquoi pas ? Joyeux celle-là. elle a l'avantage d'être courte. On sait que Pesquet est un spationaute. On sait que Armstrong était astronaute. Mais est-ce que Gagarine était un gaganote? Bah oui, c'est, bah oui, la question se pose quand même. Je n'ai pas la réponse. Non, non, non, nous n'aurons pas ce soir. Voilà, donc on se retrouve, vous l'avez bien compris, le 15 janvier pour parler de Sifosat vers une meilleure météo marine. On va parler donc de météo marine le 15 janvier et ce sera donc au café Le Lutès, 8 boulevard Saint-Michel. Alors vous voyez que là, depuis, on est là depuis des années, hein, Jean-Gab, ça fait une éternité qu'on est là, il y a même 2011, depuis 2011 on est là, quelque chose comme ça. Il y a aussi les Bars des Sciences Paris qui ont lieu ici également. On va tous déménager, hein, c'est ça? On part tous, on va alors, on part tous au Lutès. C'est la transhumance, exactement. Il y avait un petit problème avec cet espace, quand même, c'était ces deux bras. Hein, on ne se voit pas, on fait pas complètement communauté. C'est pas grave, on s'en passait. Mais finalement, au Lutès, ce sera différent. On sera tous sur un même plateau, alors avec un énorme trou central, avec un grand escalier en plein milieu. Mais en tout cas, on se verra tous. Voilà. Bon. Alors attention, la jauge sera un peu plus faible, c'est-à-dire qu'il y aura, on pourra accueillir un peu moins de monde. Donc, n'hésitez pas à venir un petit peu en avance si vraiment vous êtes tout à fait passionné. Donc ça, c'était pour le 15 janvier et puis pour toutes les dates suivantes, hein, parce que voilà, c'est fini ici au café du Pont Neuf. Alors, on a bien compris qu'effectivement, il y a une sorte d'accélération folle là, qui se passe dans le domaine spatial, qui s'accompagne d'une démocratisation de l'accès à l'espace. En tout cas, l'imagination est au pouvoir. Il y a beaucoup d'argent aussi qui se déverse dans ce secteur. Alors, il ne faudrait pas non plus qu'on en vienne à ce que ce soit complètement le Far West, le premier arrivé, premier servi. On a besoin de notions de responsabilité qui arrivent. On a besoin d'un petit peu de régulation. Et on a besoin de prospective pour anticiper et puis pour prendre des décisions vraiment éclairées. Merci infiniment d'être venu nous le rappeler, Muriel Lafaye et Isabelle Sourbès-Verger. Rendez-vous dans un mois au café Le Lutès. Merci beaucoup. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.